Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous. Dévouez-nous, dévouez-vous. Vouez-vous à nous. Vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous. Avouez-nous, avouez-vous. Nouez-vous à nous. Nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Nous sommes des fous, nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très, nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des, nous sommes des, nous sommes des, nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-nous, dénouez-vous. Nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, fions-nous à nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Dénouez-nous, sommes des fous, vous et nous. Dévouez-nous, dévouez-nous, nous sommes très doux, vous et nous. Vouez-nous à vous. Et voilà, c'était juste pour faire la transition parfaite entre l'émission juste avant et nous, Bulle de rêve, avec Brigitte Fontaine et Ariski. Voilà, c'est une nouvelle émission Bulle de rêve, quasiment un an après sur la femme et animation. Donc alors que certains s'extasiaient il y a quelque temps sur un petit peu de fumée sortant d'une cheminée qu'on aimerait plutôt voir annonciatrice de la crémation une bonne fois pour toutes de toutes les religions et autres dogmes, et ben nous on va passer deux petites heures à essayer de réfléchir sur la place des femmes dans l'animation. Mais comme nous on aime prendre du recul et comme on n'est pas, on va se demander si ça vaut le coup de faire cette émission, si finalement se poser cette question aujourd'hui est encore d'utilité. Est-ce que les clivages sont intéressants, est-ce qu'il faut enlever tous ces clivages-là, aussi bien donc femmes et hommes, animation, prise de vue réelle, etc. C'est tout, plein de questions qu'on va se poser avec trois invités autour de la table. Sandrine Stoyanov, bonjour Sandrine. Bonjour. Avec notamment réalisatrice d'Irika et Sandrinka, mais on va parler avec elle de son parcours. Chloé Maslow. Bonjour. L'amour m'anime des routes, notamment. On va essayer de parler avec toutes les trois invités, évidemment, de leur parcours et ensuite de ce qui nous intéresse. Et Marie Pruvot de l'Aspre. J'ai bien prononcé le nom, je suis content. Prof, critique, notamment au Cahier du Cinéma. Vous vous dites animation, Cahier du Cinéma, ça marche pas ensemble. On va voir que peut-être ça commence à marcher ensemble finalement. Une émission avec Rémi, bien sûr. Bonjour. Qui fait son agenda. Et Florentine Grelier. Oui, bonjour. Florentine Grelier, dont c'est la dernière émission aujourd'hui. Oui. Oh, qui nous quitte. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et qui nous quitte. On se demande. Ouais, on se demande. On va quand même tenter de continuer. Florentine, en plus, ça tombe bien, c'est une spéciale femme et animation. On a appris donc cette semaine que pour la première fois, elle était certes hors compétition, mais quand même au festival d'Annecy, ouais. Avec super. Pixel Joy. Donc on est super content pour elle. Vous entendez un Bulle de rêve sponsorisé aujourd'hui par... Ça paraît pas très rapidement comme ça, mais je vous promets que c'est très bon. Voilà, je vais les ouvrir, hop, avec... Qu'est-ce que c'est ça ? Donc, des pâtisseries ramenées... Du Maroc. Des très bonnes cœurs de gazelle ramenées du Maroc. On en aura Nicolas aussi qui regarde et qui se dit « Eh, pourquoi pas moi ?» Si, bien sûr. qui ramenait du Maroc, puisque j'étais au FICAM il y a encore quelques jours. Bon, il pleuvait, hein. Ne vous dites pas, oh là là, il était au Maroc, il a de la chance. Bon, j'ai un petit peu bronzé, mais il a fait un peu de soleil. Mais il pleuvait, mais c'était super intéressant. Un parterre absolument incroyable d'invités, commençant par Peter Lord des studios Hardman. Donc ça, c'était vraiment, vraiment super intéressant, avec des grandes discussions sur son parcours, sur l'animation aujourd'hui. Guy Delisle, Benjamin Reiner, toute l'équipe des armateurs, j'en ai oublié des gens super importants mais super intéressants. Enfin voilà, il y avait, c'était vraiment un vrai moment convivial que, comme seul le FICAM peut le faire. Encore bravo à Mohamed Beyoud, le directeur artistique, parce que vraiment c'était un vrai plaisir de participer à ce festival et j'essaierai de me souvenir des noms, mais on en reparlera. De toute façon, c'était absolument passionnant et on espère toujours faire un bulle de rêve Afrique et cinéma d'animation, parce que aussi, et ça c'était passionnant, on a eu des nouveaux projets et enfin des projets intéressants. Une réalisatrice syrienne qui j'espère viendra ici, qui nous parle évidemment de la difficulté de faire du cinéma, même si elle a été en Angleterre, elle est à Paris aujourd'hui et qui fait un film sur, la terrible difficulté, enfin le fait que les enfants aujourd'hui, qui sont nés il n'y a pas si longtemps que ça, la guerre est pour eux une quelque chose d'assez normal, et que c'est évidemment terrible quand les enfants, quand la guerre est normale pour les enfants. Et elle va faire sur les bruits de la guerre et sur le sur des images complètement différentes, enfin sur des images qui ne vont pas être en accord avec ces bruits de guerre. Donc ça va être assez intéressant. On a vu quelques images, et un autre projet aussi super intéressant sur une femme célibataire au Maghreb et comment on peut y arriver. Peut-être que l'animation peut permettre justement aussi d'aborder ces sujets-là, même là si c'est intéressant, c'est un homme qui réalise ça. Donc voilà, donc plein de belles choses au FICAM dont on parlera très rapidement. Avant de passer à l'agenda, Rémi voulait prendre la parole. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause musicale d'abord. Ouais, comme ça. Donc, après Brigitte Fontaine, en fait, je voulais mettre. J'ai tout vous avoué. J'ai fait la programmation musicale il y a environ une demi-heure. Et donc. C'est ce que t'avoues tous les mois, mais bon. Non, c'est pas vrai d'abord. Heureusement que tu t'en vas. Donc. Ah là là, c'est pas vrai. Non, là, je l'ai vraiment faite exceptionnellement là, il n'y a pas longtemps. Et donc, j'ai voulu mettre que. En fait, la seule idée que j'ai trouvée qui est absolument ridicule, j'aurais dû mettre que des hommes, justement, parce que c'est une émission sur les femmes. Et en fait, j'ai vraiment pas tellement d'imagination, donc il n'y aura que des femmes quasiment, sauf le premier morceau qu'on doit. Mais bon, c'est la famille, donc c'est différent, mon frère. Voilà, qui son album qui vient de sortir récemment avec le GFB New Quartet, qui est donc il fait du banjo, vous allez entendre, il fait de la guitare, etc., jazz. Donc on va entendre ça, et on va entendre juste après. Vous savez, comme d'habitude, vous écoutez, je donne toutes les indications juste maintenant à Nicolas, qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire. Donc on va entendre le deuxième morceau, et on va enchaîner sur le troisième morceau, qui n'est pas un morceau, mais j'ai eu la chance d'aller hier faire un aller-retour très rapide à Annecy pour faire une interview de Marcel Jean, le nouveau directeur artistique du Festival d'Annecy. Une interview qui dure 1h15, donc c'est difficile à passer ici, mais que je vais mettre sur The Web Anime, et vous allez entendre un 3 minutes 30 de cette interview sur comment ils font la sélection aujourd'hui, maintenant que c'est en interne. On reviendra, et bien sûr, juste au passage, vous avez sur The Web Anime, comme d'habitude, tous les liens pour les invités de l'émission aujourd'hui. Donc vous avez 4 minutes 13, 3 minutes, 7 minutes 43 pour aller regarder, cliquer. Rika Sandrika fait un peu plus que 7 minutes 43, mais juste pour voir au moins un petit peu les univers des personnes qui se trouvent ici. Et on se retrouve juste après. Merci Nicolas. Thank you.

plus de séances grâce à ça, Audicavision à 22h30. Et bah, on vous reparlera de tout ça de toute façon. On va laisser la place maintenant, enfin je vais laisser, parce qu'il n'y a que moi qui parle, laisser la place à Rémi pour son agenda de l'AFCA. De l'AFCA et plus. De l'AFCA et plus. Pour changer en vacances avec les festivals. C'est pas poisson d'avril puisqu'on commence toujours avec les festivals. Ah, il va y avoir des poissons d'avril, ok. Le festival de cinéma de Brive, du 2 au 7 avril à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, avec une rétrospective de films d'animation européens présentés par Francis Gavel, qu'on connaît bien ici, ainsi les concerts avec pas un, pas deux, mais quatre films d'animation. Ah bon, j'ai noté trois dans ma news, c'est quoi? Attends, est-ce que j'ai bien compté? Il y a RFI de Michael Duvoc de Witt. La ferme de la colline de Marc Becker. Ah non, c'est deux réalisateurs après, pardon, j'avais mal compté. C'est la joie de vivre d'Anthony Gross et Hector Aupin ou Aupin, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Aupin. On s'en fiche, tant pis pour lui. Non, on s'en fiche pas. C'est un super film, la joie de vivre, commence pas. En plus, il m'invite au Festival de cinéma de Brive, donc c'est un très bon festival. Bon, tu lui demanderas comment il s'appelle alors. Mais il est mort. Donc, tu vendras quand même. D'accord, j'essaierai. À son fantôme. Enfin, je pense qu'il est mort. Tu vas voir avec la suite de mon agenda que c'est parfaitement possible. Pardon. Que les morts reviennent. Vas-y, on te vas comprendre. Et un programme de ISO 3, ouais. Des ateliers, des tables rondes et une compétition européenne. Ciné-Jeune dans l'Aisne à Saint-Quentin, pour être plus précis. Il y aura une carte blanche au Rosa Fani Fest d'Albany. Suivi d'une rencontre avec Arthur Dotti, qui est programmateur du festival et réalisateur du film Le Chêne. L'équipe d'Ernest et Célestine et beaucoup de réalisateurs comme Regina Pessoa, Nicolas Bianco-Levrin, Julie Ramboville, Juliette Loubière, etc. etc. Il y a plein Fantine Grelais avec tout ça. En tout cas, on ne me l'a pas dit. J'hiberne maintenant. Jusqu'à Annecy, j'hiberne. Oh, l'autre, ça y est, elle est en compétition. Enfin, elle a Annecy. Oh, j'hiberne maintenant. Vas-y, continue. Silence. Fais pas attention à nous. Silence en cours. Du 8 au 13 avril, c'est dans différents lieux à Paris. Il y aura le studio des Ursulines, le studio Galland, la Péniche Cinéma, le Forum des Images, et je crois qu'il y en a d'autres que je n'ai même pas notées. C'est quoi? Et c'est un festival... Là, tu nous as dit les lieux, mais... Ah, ici. Avec des courts-métrages. D'accord. Oui, de courts-métrages. Quelqu'un connaît Silence en cours? Oui, je connais. J'ai déjà envoyé des films. Ah, bon point. Oui. Merci. J'en avais pas entendu parler avant, moi. Les ateliers. Il y en a plusieurs, je ne vais pas en prendre qu'un seul. Il y a un atelier flipbook au cinéma Jacques Prévert à Gonesse, dans le Val d'Oise. C'est gratuit. Et donc, chaque personne pourra réaliser son flipbook. C'est sur réservation. Merci. Je t'ai dit qu'il était parfaitement possible de demander à un mort son avis. Le lundi 1er avril, au Cinéma de l'Étrange à Paris, dans le 21e arrondissement, il y aura une séance de spiritisme en présence de Walt Disney. C'est au 1 rue de la Poissonnerie, et on évoquera avec lui l'évolution du cinéma hollywoodien depuis sa mort en 1966 jusqu'à aujourd'hui, avec deux médiums qui viendront depuis la ville d'April Fool's Day dans l'Utah. Ça au moins c'est signé. Mais si vous voulez, vous regardez malheureusement l'opéra est plus en ligne, mais Philip Glass a fait un opéra récemment aussi sur Walt Disney, sur le côté The Dark Side of Walt Disney. Voilà, c'est pas mal. Continue. Ah, on va continuer. Les actions sociales, la vraie site AFCA, donc c'est le poisson d'avril. Oui, il faut. C'est pas un poisson d'avril. Non. À Paris 21e. C'est une info parfaitement sérieuse. Vous avez tout fait jusqu'au bout, oui. On continue quand même avec Disney. Les après-midi des enfants au Forum des Images. Le 6 avril à 16h, il y aura Walt Disney en couleur. Ce sera toute une séance de Walt Disney. Et Megamind de Tom Graff le 10 avril. On s'en fout. Passe à Totoro. Oui, un petit peu mieux Totoro au studio des un Ursulines. Un petit peu mieux que Megamind de Totoro. Il faudra passer à le virer, lui, c'est pas facile. Continue. Bon, ça n'a échappé à personne. Ce sont les 25 ans de Totoro quand même. Et les 10 ans du studio des Ursulines. Donc pour l'occasion, le studio va faire tout un week-end de programmation. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Il y aura des séances en VF le samedi à 16h et le dimanche à 11h. Mais il y a quand même mieux, il y a la VOCFR. Pardon. Le samedi à 20h30, avec en plus le tombeau des Lucioles. Ouais, et alors, une petite chose qui est intéressante, c'est que non seulement on verra Totoro et le tombeau des Lucioles, hein, qui étaient en double programme donc, quand ils sont sortis au Japon, et Hélène Nguyen, le spécialiste, enfin voilà, on en parlera pour l'instant, encore le spécialiste du cinéma d'animation japonais en France notamment, sera là pour présenter, faire une petite présentation de la séance, donc ça va être une séance à... C'est possible de ne pas louper. Et il faut absolument réserver. D'accord. Ça, c'est obligatoire parce qu'il y aura sûrement beaucoup de monde. Ouais. Format court, je n'ai pas le programme entier, mais ce sera le 11 avril au studio des Ursulines. Et ce sera une carte blanche à Lobster Film, si j'ai bien compris. Les soirées Croc Label, c'est un nouveau truc de Croc Anime. T'as vu, c'est lui, on l'annonce, hein, c'est bien. Le 17 avril à 20h. C'est la seule qui écoute en direct comme ça, donc c'est bien. Je suis obligé parce que maintenant je suis à Croc Anime comme stagiaire, donc je vais me faire engueuler. En plus, puis elle m'a envoyé un message en disant « Bon, c'est bien, vous avez cité, je sors mon portable pour être sûr qu'elle l'envoie bien, mais c'est bon, voilà, tu peux y aller. » Donc le 17 avril à 20h à la Bellevilloise à Paris, c'est juste à côté de Croc Anime, au bout de la rue. Ce sera... C'est Dieu qui sera là. C'est une soirée après... C'est les trois ours. C'est les Olivier trois ours avec Olivier Quatrain. Bonjour Olivier. Et c'est pas le tout pour Croc Anime. Je prends un petit peu d'avance. Il y aura le festival Croc Anime donc en septembre 2013 et on peut commencer à envoyer les films jusqu'au 15 juin. Toujours dans les appels à projets, il y a un appel à films Titra TVS ou quelque chose comme ça pour le festival d'Annecy. On peut gagner une place pour le festival et une rencontre avec un studio professionnel dans le cadre du marché. Qu'est-ce qui te fait rire, Alexis ? Non, pardon. Là, ça me fait toujours rire. C'est, vous savez, c'est le fameux concours de trucs ridicules. Oh, ils montrent plein de choses où ils font. Et... Vous gagnez une place, c'est bien, c'est hein, bravo pour... c'est trop fort. Oh, c'est rigolo, on voit. Ouais. Il y en a de plus en plus de concours comme l'Anime Marche, de concours où vous gagnez juste un tout petit truc. Mais c'est pas grave, continue. Les sorties ciné. Les Croods, un mélange de 2012 d'Avatar et de la famille Pierre à Feu en 3D. Ah, c'est toi qui as trouvé ça, ce truc ? Oui, c'est l'idée que j'ai eue en voyant la bande-annonce, en tout cas. C'est à ça que ça m'a fait penser. Ah, c'est Olivier qui m'envoie un SMS, finalement, c'est pas Sylvie. Oui, mais Olivier, tu sais bien, enfin, bon, on reparlera d'Olivier un peu plus tard. Alors ce sera le 10 avril, le 10 avril aussi. Les Croods qui sont, normalement, qui auraient pu être un bon film, qui doit être à mon avis un truc inintéressant, mais qui auraient pu être un bon film, puisque c'était Hardman qui avait proposé le film, et le scénario était de John Cleese, de Monty Python, donc ça devait être, l'idée aurait dû être géniale, mais bon, voilà, en tout cas. Aurait pu. Les As de la Jungle, l'opération Manquise. Ça, je savais que personne ne s'intéresserait. On dirait que c'est Madagascar 3, mais en mal fait. Donc je pense que ça peut être au moins rigolo à voir. Bon, il y a quand même mieux. C'est un film français, tu vas te faire massacrer. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Le Petit Roi et autre production. Voilà, si vous voulez, Rémi est sur Internet, sans aucun problème, vous pouvez très vous bien pouvez aller sur le contacter blog. Sur Facebook, voilà. Parce que ça a l'air très joli. Moi, je trouve ça a l'air très joli. Bon, là, c'est en Hongrie, je risque rien, mais je vais pas dire de mal. Le Petit Roi et autres contes de Lajos Nagy et Maria Horvat. C'est plusieurs contes hongrois à partir de 5 ans qui ont l'air plutôt cool. Je ne fais pas faire les sorties ciné du 17 avril, je me garde pour la prochaine émission quand même. Ouais, regarde, sinon, j'aurais plus rien à dire. T'as l'Explorateur, il est en streaming sur Internet, vous n'avez pas besoin de sortir, le voir en salle. Et Black et Canuto de Francis Nielsen. On aime bien Francis Nielsen, mais bon. Ouais, okay. Et dans les sorties télé, il y a Court Circuit. Ça, je crois que tu en as parlé sur ton blog tout à l'heure, j'ai cru voir ça dans le métro. Bravo. Ah, tu regardes, c'est trop fou. Je regarde sur Facebook. Donc, ce sera le 29 mars à 00h50. C'est hier. C'est oui. Le 29 mars, c'est hier, non ? C'était hier. Bon, tant pis. C'est pas grave, il y a une rediffusion le 1er avril à 5h05 du matin. C'est pas moi qui ai mis cette info de l'agenda de l'AFCAP. Non, mais c'est vrai que c'est en rediffusion. Et alors, vous avez en effet un. Je te coupe, hein. La femme à cordes, Vladimir Mabouniakouka. Et un petit reportage sur ce qui s'est passé à Fontevraud, sur l'écriture, vous savez, sur les chemins de la création, voilà, sur comment écrire un film. Alors, le reportage est vraiment très moyen, mais bon, il est intéressant. Il y a Pierre-Luc Grandjean qui parle, donc ça c'est intéressant. Il y en a d'autres, c'est un peu moins intéressant, mais c'est quand même, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a plein d'autres trucs. Alice de Lalande, par exemple, du CNC, enfin, je suis avec le CNC, qui est quelqu'un d'intéressant, on me dit tout le temps, et c'est vrai, mais c'est vrai que c'est beaucoup de langue de bois, quoi. C'est on dit, ce serait bien de faire ça comme ça, et finalement, enfin, c'est toujours les mêmes projets qui sont pris, et dès que vous avez un projet un peu particulier, c'est pas pris, mais bon, voilà. C'est tout ? C'est tout pour l'agenda. Ah, parce qu'il y a un autre super gros tas, je me suis dit, ça va être énorme. Ça, c'est des trucs soit pas intéressants, soit pour la prochaine fois. D'accord. Soit des trucs pas intéressants pour la prochaine fois. Waouh. C'est super conceptuel, l'agenda de Rémi. Bon, allez, la table bouge. C'est normal. C'est du séritisme, hein, c'est ça. C'est Walt Disney. Esprit d'Olivier Catrin, vous êtes là, vous êtes là. Non, j'arrête de citer Olivier, promis. On va faire une pause musicale, bien sûr, après l'agenda. Toujours dans les choses... Je ne sais pas pourquoi j'ai pris que des choses vraiment bizarres au début. Donc, on va écouter une femme, encore une, qui s'appelle Delia Derbyshire. Delia Derbyshire, c'est l'une des premières qui a travaillé sur la musique électronique. Elle est plus connue pour avoir fait le générique de Doctor Who, première saison. Et vous allez voir, c'est un truc c'est un genre de choses assez étonnantes. C'est 1969, ce que vous allez écouter. Et voilà, je trouve que c'est un personnage. C'est pas ce que je préfère, mais ces autres pistes font quasiment 8-9 minutes. Donc, on peut pas les passer. Donc là, ça le fait... 3 minutes 16, s'appelle Love Without Sound, et c'est un album donc de 69 qui s'appelle The White Noise, White Noise, pardon, An Electric Noise. On écoute ça et on revient juste après. Dommage, on a pris l'antenne un peu trop tard. Sinon, c'était intéressant, ça aurait des choses intéressantes, mais tant pis. Donc, Bulle de rêve, bien sûr, l'émission 100% cinéma d'animation. Comme je le répète tout le temps sur Radio Libertaire, parce que sinon, je ne vois pas quelle autre radio pourrait se permettre de faire 2 heures de cinéma d'animation. Ouais, il y en a 5 minutes sur France Inter, 2 minutes 30 sur Radio France, sur France Culture, et rien sur toutes les autres. Sauf quand, évidemment... des grosses machineries sortent. Donc, bien sûr, Radio Libertaire. pour la dernière fois, attention, ça va marcher, le téléphone du studio. Ça fait un peu comme si Florentine n'était là que pour ça, pas du tout, hein, quand j'ai toujours dit que c'est grâce à elle qu'il y a tous les invités ou quoi. Donc, elle ne fait pas que ça, mais notamment, elle peut dire le numéro du studio. Qui est le 01 43 71 89 40. Oh, vous savez, c'est comme dans le jeu de la rue de la fortune, un truc comme ça. Bonjour, Florentine. Un A. Non, c'est tellement mieux. Ça y est, on part enfin sur notre sujet du jour. Déjà, pour faire un petit tour, quand on regarde, j'ai mis quelques liens sur The Web Anime, sur cette émission. Et notamment, il y a une discussion sur Food Anime par rapport à un article de Julie Roy, donc, qui est productrice au Canada, qu'on aimerait bien avoir et qu'on essaiera d'avoir pour une nouvelle émission sur femmes et animation. Et beaucoup de gens disent à quoi ça sert ça sert à rien, il y en a plein de femmes, c'est dit même, dans le graphisme c'est 70%, 80% de femmes, ou je sais pas, c'est passé qui dit ça, mais est-ce qu'on s'en plaint qu'il y a plus de femmes que d'hommes, non, etc. Et on sent, alors voilà, et d'autres qui disent non, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule de faire le Tricky Woman Film Festival, d'avoir plein ce genre de festival pour les femmes, ce genre de choses. Florentine Grelier dit sur Facebook, quand Yves Catherine dit je veux venir, elle fait oui, viens, ça manque d'hommes. Donc même elle, traître à l'intérieur de la propre émission. Non, mais on peut parler, je pense que des hommes peuvent aussi parler de la place de la femme dans l'animation, ouais. C'est pas. Oui, c'est sûr, c'est évident, mais est-ce que justement l'idée était de donner aussi un peu plus la parole aux femmes. Sandrine ? Oui. Est-ce que toi, tu trouves que cette émission, à part le fait de venir parler, évidemment, ça vaut la peine de parler de femmes et animation ? Est-ce que ça ne fait pas encore un nouveau clivage ou quoi ? Est-ce que tu penses que c'est important ? Oui, moi je trouve que c'est important. comment dire, clivage, il y en a toujours de toute façon, mais c'est pas une guerre contre le masculin pour le féminin. C'est peut-être essayer de voir quelle est la place du féminin plutôt dans le monde de l'animation. Chloé ? Pareil. Ok, je sens que ça va être un long débat. Marie, toi, tu as fait un article dans les Cahiers du cinéma sur justement où Florentine est Noé. Et nommée dedans, donc elle était super fière d'être nommée dans les Quais du cinéma. C'est vrai, en plus c'est normal, mais est-ce que donc c'était Désir animé, c'était plutôt aussi sur les thèmes. Oui, c'était un numéro qui était consacré aux réalisatrices où justement on s'interrogeait sur aussi la validité de la question parce qu'elle est réelle en tant que question elle-même. Je voulais juste rappeler, parce que je pense que c'est important, dans son article, Julie Roy, elle explique aussi que les films qu'elle choisit, qui sont beaucoup des films de l'ONF, ils ont été créés dans un contexte, et qui est aussi un contexte au Canada, de lois qui avaient été faites pour préserver l'équité entre les hommes et les femmes, et qui avaient amené l'ONF, donc l'Office national du film du Canada, à promouvoir les réalisatrices, pour qu'il y ait aussi un nombre de réalisatrices assez important, voire équivalent à celui des hommes. Donc c'est un contexte très particulier qui pose aussi des questions sur, et elle en parle évidemment très bien, sur l'influence du féminisme en tant que courant de pensée sur ces femmes. Donc voilà, c'était, je pense, une question qui est intéressante pour nous aujourd'hui, parce que le féminisme n'a plus du tout l'influence qu'il avait dans la période qu'elle traite au début de son article, et plutôt les années 70. Donc on peut se demander, et c'est intéressant pour ça d'en parler avec des réalisatrices actuelles, si justement la question se pose de la même manière. Oui, parce que ce qui est important aussi dans toutes les réalisatrices dont elle cite et dont elle parle et qui sont finalement qu'on réussit à tourner à l'intérieur de l'ONF, c'est qu'évidemment on peut toujours se poser le problème des quotas et de se dire après tout les gens réalisent et voilà, ils réalisent et puis le talent sera là. La seule chose c'est que la plupart des réalisatrices ont beaucoup de talent et celles qu'on finit par réaliser à l'ONF sont maintenant des personnalités importantes. Donc ça veut dire que ces quotas ont été... peuvent se justifier aussi par rapport à la qualité maintenant des films. Bien sûr, vous vous rappelez la polémique à Cannes l'année dernière autour de l'absence relative de femmes, et ils avaient répondu assez justement en disant on ne va pas sélectionner des femmes parce que ce sont des femmes si leurs films ne sont pas intéressants. Et c'est une vraie question qui se pose, et d'ailleurs qui renvoie à des choses qui ne sont pas très agréables pour nous, mais qui est de traiter les femmes comme une sorte de minorité qui aurait besoin de soutien en fait. Les femmes ne sont pas une minorité, théoriquement. Donc... Sauf que justement, est-ce que c'est ce qu'on avait dit lors de cette première émission l'année dernière ? C'est-à-dire que, est-ce que aussi, certes, les hommes peuvent parler des femmes. Mais par exemple, je trouvais dans une interview assez intéressante de Cronenberg où on lui demandait pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans son cinéma. Il disait c'est vrai que moi je suis un homme et je vois plutôt ça de ma manière à moi, donc voilà, c'est plus facile pour moi. Et on disait qu'il y avait finalement peu de productrices en animation. Il y a Dora Benicio, fan de l'Arlequin. Il y a maintenant Wendy Griffiths de Dark Prince. Il y en a. Pas tout d'animation. Patricia Robert aussi. Qui est dans. Qui a monté sa boîte de prod, qui est une ancienne directrice de prod et qui a monté une boîte de prod qui est très intéressante parce qu'elle est feng shui en plus. D'accord. Donc, c'est assez marrant. Il y a une salle pour faire la sieste. Waouh. On a le droit au chocolat et au. Enfin. Et elle nous fait la cuisine des fois. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai bossé là-bas et je trouvais ça vachement bien. Et du coup, c'est une vision de femme de ce que peut être une maison de production. Et du coup, elle apporte peut-être pas la chose de la même manière et que peut-être que les hommes et les femmes, on n'aborde pas les choses de la même manière, mais qu'il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre, c'est juste différent. Et c'est cette différence-là qui est intéressante, en fait. Donc, est-ce que... À connaître, enfin, ou à trouver, ou... Voilà. Est-ce que ce débat a encore lieu d'être? Justement, on disait aujourd'hui, puisque les choses changent, il y a aussi, je sais, alors je me rappelle pas de leur nom, mais Babushka était là et deux des productrices qui étaient productrices qui avaient notamment chez Beast Animation, qui avaient produit Wiggly, qui maintenant créent leur propre société de production puisqu'elles produisent le film d'Agnès Patron notamment et c'est si et ça y est. Merci beaucoup Cerise Lepez, je suis désolé Cerise. Et voilà, donc il y a ça. Est-ce qu'aujourd'hui ce débat-là a encore lieu d'être? Non, pas moi, pas la première. est-ce que toi, tu es à l'aise autour de, finalement, d'une table pour parler de femmes animation ou tu, bon. C'est assez ambigu. C'est vrai que j'y réfléchis depuis que Florentine m'a contactée. Et je suis parfois gênée dans ce truc toujours de vouloir classer, mais en même temps, c'est normal. On veut classer les gens. C'est vrai, je suis une femme, donc je ne vais pas lutter contre ça. J'ai une sensibilité différente d'un homme, mais est-ce que c'est parce que, en fait, c'est toujours un peu bizarre de se dire que parfois on est invité dans un endroit parce qu'on est une femme. Et ça m'est arrivé aussi parce que j'ai fait un film sur le Liban où j'étais invitée dans des festivals arabes. On ne sait pas si c'est parce qu'il manque de gens ou si parce que mon travail leur plaît vraiment. Donc c'est toujours un peu ambigu. Je me dis que c'est des choses qui sont en train d'évoluer et que maintenant peut-être qu'on fait moins la différence et qu'on se dit on va choisir parce que elle fait du travail qui correspond à ce qu'on cherche et pas parce que on a besoin d'une fille. Brenna Chapman, qui est donc la co-réalisatrice de Brave, c'était un article sur son blog où elle disait qu'elle avait été prise chez Disney, qu'en gros l'exécutif de Disney lui avait dit mais on vous prend parce que vous êtes une femme, on n'a pas de femme. Donc on a besoin d'une femme, et c'est vrai que c'est inquiétant de se dire, est-ce que je suis là pour mes qualités, ou finalement uniquement mon appartenance à un genre, ou à une race, ou ce genre de choses, c'est une problématique. Juste pour préciser, l'idée de ce débat-là, qu'on avait commencé l'année dernière, c'est juste, moi ce qui m'avait inquiété, ce que je ne comprenais pas, c'est la représentation des femmes qui sont énormes dans les écoles, et qu'on trouve finalement peu, ou pas à des places en tout cas comme réalisatrice, animatrice en chef, ce genre de choses, ou directrice artistique, par la suite. C'est pas tellement le fait de vouloir dire les femmes en animation, c'est juste dire pourquoi elles sont plus là en fait. Pourquoi il y en a tant à l'école, et pourquoi une fois qu'on a passé les portes de l'école, elles sont si peu présentes. Sandrine, est-ce que pour parler de choses plus concrètes, toi avant de faire Erika Sandrinka, c'est quoi le parcours? Moi je suis un peu autodidacte en fait dans l'anime, je suis arrivée par hasard. Donc moi j'avais fait les Beaux-Arts en fait, et en sortant des Beaux-Arts je ne savais pas quoi faire et je pensais être plutôt justement dans l'édition pour enfants. En tant que dessinatrice, les femmes ont forcément un univers mignon, donc c'est l'illustration pour enfants. Et en fait, j'ai découvert le dessin animé par hasard et ça m'a plu. Et en rencontrant Serge Elissalde, je suis allée à son atelier et je lui ai demandé en fait, c'est bien l'anime, j'aimerais bien essayer. Il m'a dit, viens. Et du coup, il en a découlé Irinka Sandrinka. Il y a aussi un passage au Gobelin. J'ai fait un stage. En fait, j'avais fait un premier stage à CIP, qui est le studio. Qui est un grand studio. Et de là, on m'avait parlé justement de l'école des Gobelins, que je connaissais pas très bien en fait, et du stage professionnel. Du coup, j'ai essayé, j'ai été prise. Alors je sais pas si c'était pour le quota de filles, peut-être. À l'époque, ils en parlaient en tout cas. Enfin, je me souviens, les filles de deuxième année, enfin, c'était assez polémique en fait. On disait s'il y a des filles, c'est pour le quota. C'est pas parce qu'elles ont les qualités escomptées. Alors après, on peut se poser la question des qualités parce que. Voilà, il y a peut-être des qualités féminines que les hommes arrivent pas à reconnaître ou que ça dérange et du coup qui peuvent pas s'exprimer. Et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que c'est forcément péjoratif d'être une femme. C'est-à-dire que quand on le revendique, on fait du clivage et quand on le revendique pas, on n'existe pas ou moins. Moi, c'est ce qui m'avait choqué au moment de Persepolis, c'est que Marjane Satrapi, ce que je comprends très bien pourquoi elle faisait ça, s'est revendiquée comme auteure. Mais en même temps, elle parlait des femmes dans son film. Et au moment où c'était un peu le combat aussi de la position des femmes dans son pays, d'elle-même, de son histoire, au moment de revendiquer justement le fait d'être une femme et d'être auteure femme, et que c'est justement pas quelque chose de péjoratif, justement, puisqu'elle l'a bien fait et que le côté féminin de son film est intéressant, justement. Et à ce moment-là, elle ne l'a pas revendiqué, parce que c'est une forme de volonté d'intégration, enfin d'intégration à l'esprit masculin. Enfin, c'est ce que je pense, moi, personnellement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils n'ont pas voulu non plus trop parler de Persepolis comme un film, finalement, presque d'animation. Il y avait le côté, c'est pas un film. Donc ça veut dire que là, on a deux choses importantes. C'est-à-dire l'animation par rapport à la prise de vue réelle, le premier clivage, et donc le côté faire film féminin par rapport au film masculin. Oui, je me demande si c'est pas quelque chose qui est en lien avec ce qu'on associe comme technicité à l'animation. C'est-à-dire, si on pense, parce qu'on en parlait tout à l'heure et on se disait, mais en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de filles au Gobelin ou dans toutes les écoles d'animation correspond aussi à une évolution globale qui fait que, je sais pas, dans les bacs techniques, il va y avoir de plus en plus de filles alors que c'était plutôt réservé aux garçons. Et effectivement, ça bouleverse des préjugés ou des idées qui font qu'on associe plutôt les capacités techniques à ce qu'aurait envie de faire un garçon. Donc ça, forcément, ça fait bouger les lignes, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne peut pas ne pas se positionner par rapport à ça, et c'est ça qui rend la situation assez compliquée. C'est un peu comme quand je prépare l'émission, je me rendais compte que j'avais pendant longtemps donc appelé au boycott du César de l'animation, et qu'en fait aujourd'hui tout le monde dit quand même qu'il a été utile, puisque il y a des programmes qui ont circulé, qu'on en parle énormément, et on parle finalement beaucoup plus de l'animation aujourd'hui aussi grâce au César. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné d'avoir un clivage, on a besoin d'avoir des festivals de femmes, on a besoin de dire bah oui c'est un film de femmes, pour, espérons-le, peut-être dans 150 ans ne plus poser la question. Oui. En venant, je disais, et je vous le conseille, enfin, à vos auditeurs qui s'intéresseraient à la question, une chambre à soi de Virginia Woolf, qui est magnifique, mais qui est entre autres une conférence, le compte rendu d'une conférence qu'elle a donnée à des étudiantes précisément, où on lui avait demandé de réfléchir à la question des femmes et du roman. Et il y a quelque chose qui s'impose assez vite, pas tellement à elle d'ailleurs, mais plutôt à nous quand on lit le texte, c'est que en tant que femme, on est complètement hantée par une histoire des femmes dans les arts, en fait. Elle le montre très bien, c'est de faire un historique de la manière dont, à son sens, les femmes se libèrent progressivement, et donc pour elle, ça passe, comme l'indique le titre, par le fait d'avoir une pièce et d'avoir de l'argent pour créer quelque chose. Mais on voit très bien dans la manière dont elle décrit ce processus qu'en réalité, chaque femme est tributaire de celle qui l'a précédée. Et donc nous, on arrive avec une espèce de cortège de fantômes qui nous poursuivent. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à s'en défaire. Quand on avait commencé l'émission, enfin quand on avait parlé de l'émission l'année dernière, on se rendait compte quand je demandais aux gens de me citer des réalisatrices féminines, finalement on en avait... Si on avait une dizaine qui arrivait au maximum, c'était déjà énorme. C'est pas évident de faire l'effort. Là, moi, quand j'ai voulu faire ma programmation musicale, j'ai réfléchi à je voulais réfléchir à des compositrices. Et j'ai regardé, je trouvais aucune compositrice dans ma musique de film. J'en ai pas trouvé. Alors, il y en a sûrement, mais j'en ai pas trouvé. J'ai regardé, c'est assez effrayant. Il y en a une au Japon, mais c'est quand même assez rare et assez difficile. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué, en effet. Je sais pas, Sandrine, Chloé, de finalement regarder derrière et de se dire il y a Florence Millet et Caroline Niff et que finalement on arrive sur quasiment rien. Moi je trouve pas ça compliqué, au contraire. Ouais. Enfin, on est comme les hommes. Enfin, je veux dire, du coup, on cherche notre légitimité dans l'art, en fait, parce que ça fait pas longtemps qu'on y a accès, donc on se pose forcément beaucoup plus de questions que, et on a plus de mal à se positionner parce qu'un homme, l'homme c'est universel comme mot, enfin je veux dire comme on est humain, mais dès qu'on reste une femme, enfin je sais pas comment exprimer ça, on se pose la question de savoir si on est légitime, est-ce qu'on doit être aussi bonne qu'un homme, enfin je veux dire toutes ces questions là elles se posent. Et des fois, on a presque honte de. Enfin, je sais pas juger mon travail, par exemple, je le fais, mais je sais pas s'il est bon, s'il est mauvais, si je dessine aussi bien qu'un garçon. Enfin, je veux dire. Mais on se pose forcément ces questions-là parce qu'on nous les pose aussi. Enfin, ces questions-là. Et moi, j'ai décidé, enfin, pour mon propre travail, justement, de chercher ma féminité. Enfin, parce que justement, c'est un terrain qui est peu exploré au fond. Puisque les femmes, elles ont commencé à se poser des questions sur ce qu'elles avaient le droit d'exprimer depuis peu de temps, en fait. Et cette légitimité, elle arrive doucement, elle effraie un peu les garçons, parce que... Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une femme commence à réussir quelque chose, c'est plus une femme, c'est un humain. Et que, ben, c'est assez bizarre, en fait, de vouloir gommer ça. Et pourquoi on voudrait gommer le fait d'être une femme? Et justement parce que ça fait pas longtemps qu'on a le droit de s'exprimer. Donc on est dans des grands questionnements. Il faut se positionner même vis-à-vis des garçons. Enfin, parce que moi j'ai entendu plein de trucs. Hein. Enfin, je veux dire, les filles, ça sait pas dessiner. Elles savent faire que de la couleur. Enfin, je l'entends encore un petit peu, mais beaucoup moins parce qu'il y a justement maintenant ça s'ouvre. Donc on va voir ce que ça va donner. Si mais je connais plein de filles qui disent ouais, mais moi je suis pas une femme quoi. Qui veulent pas le revendiquer. Parce que revendiquer, ça voudrait être féministe et être en guerre contre les hommes. Et moi, ça m'énerve, parce que c'est pas vrai. On peut être homme et femme. Justement, c'est comme une... Enfin, j'appelle ça... Enfin, c'est comme si on voyait la moitié du globe de la Terre et qu'il y a toute une partie qu'on n'explorait pas parce que... on est dans un monde bipolaire d'hommes-femmes. Enfin, on peut pas faire autrement. Et gommer les genres, est-ce que c'est intéressant, en fait? Enfin, est-ce que c'est pas stérile au bout d'un moment, quoi? Est-ce que pour Rinka Sanarinka, tu t'es retrouvé dans une position... Il y a beaucoup d'hommes dans le film autour. Il y a même... alors si, il y a quand même un personnage féminin au moins. Enfin, il y a la productrice, il y a d'Arte, non? Il y a Hélène Bessière qui était... Ouais. Mais est-ce que tu t'es confondé? Parce que c'est un sujet donc qui raconte l'histoire d'une jeune femme, toi, qui va demander à... sa grande tante, oui. C'est ça, hein, un peu l'histoire de sa famille et comprendre un petit peu l'histoire de sa famille. Est-ce que qu'il y a eu des positionnements des hommes par rapport au film qui voulaient te faire changer les choses, qui paraissaient ou pas du tout? Bah moi je reviens un peu de loin parce que j'ai fait ça par hasard en fait, par rencontre, donc ça s'est plutôt bien passé au début. Mais en fait, les gens s'intéressaient pas tellement à ce que je faisais. Enfin, c'est la sensation que j'en avais. J'ai un peu ramé pour le faire, même si j'étais beaucoup aidée. Enfin, c'est très paradoxal, en fait. C'est que j'étais... Enfin, le film que je faisais n'était pas tellement en adéquation avec l'état d'esprit de la boîte dans laquelle je le faisais, sinon le fait que c'était des potes et qu'ils me donnaient ma chance, en fait. Et moi, comme je débarquais dans le monde du dessin animé, c'était assez... j'avais une crise de légitimité aussi. Enfin, j'ai passé 5 ans... à me marteler que j'avais le droit de le faire, que, enfin voilà. Mais les gens s'y intéressaient pas. C'était un peu comme si on m'avait mis dans un bac à sable avec un petit budget du CNC en disant c'est bien, fais ton truc, enfin genre c'était quand même un peu comme ça. Et je leur en veux pas, hein, parce que du coup ils m'ont laissé une liberté quasiment totale. Mais j'avais le droit à des trucs du genre, quand je voulais graver des trucs, parce qu'ils n'avaient pas de double de mon film dans leur studio. Moi, j'avais mon ordi, il y avait tout dedans, mais il n'y avait pas de backup, il n'y avait rien. Donc, au bout d'un moment, je flippais un petit peu, parce que le numérique, genre, tu bosses 5 ans, puis tu n'es même pas sûr qu'à l'arrivée, il n'y a pas le crash. Et j'avais demandé à un graveur, et on m'avait dit « Oui, mais tu sais, c'est pour travailler, c'est pas pour s'amuser. » Et voilà, et ben, mais bon, moi je venais pas du monde de l'anime, donc j'avais une légitimité encore en moins, quoi. Ouais, parce que maintenant les filles elles sortent des gobelins, donc c'est bien, elles ont cette légitimité là qui est quand même reconnue par les studios, alors que moi c'était plutôt, ils me laissaient ma chance, ils disaient bah elle va, enfin, et je leur en veux pas, mais j'ai même mis du temps à comprendre qu'en fait ils me prenaient, enfin voilà, genre c'était pas sérieux, quoi. Et c'est qu'au bout de la 4e année qu'ils ont commencé à comprendre que mon film racontait quelque chose et que c'était pas un truc mièvre de princesse, enfin, et de petite fille qui court dans la campagne, enfin. Et je me souviens de quelqu'un qui me, je dis aucun nom comme ça, ça, qui m'avait dit, mais enfin, il était scotché, puis il me dit, on regardait l'animatique où il y avait déjà 7 minutes d'anime que Jean-Charles avait monté, enfin tout ça. Et il y en a un qui dit comme ça, ah ouais, mais ça raconte quelque chose ton truc en fait. Et du coup, enfin, donc moi j'ai trouvé le chemin un peu long pour ça, quoi, parce que j'avais l'impression de pas être comprise. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup d'aide. Enfin, c'est très paradoxal comme sentiment, parce que t'es à la fois fier de le faire et en même temps tu te rends compte que quelle est la considération vis-à-vis de ce que t'es en train de faire. Enfin, et je me suis sentie un peu seule intérieurement sur le propos et sur. Mais techniquement, ils m'ont aidée. Enfin, ils m'ont appris After. Ils m'ont. Mais du coup, enfin, ouais, ils assumaient pas non plus tellement le film parce qu'il correspond pas. Enfin, il est justement très féminin, je pense. Même si on l'a fait à deux avec un homme, avec mon compagnon Jean-Charles. Mais justement, Jean-Charles amenait une sorte de légitimité au film aussi, quoi. Je veux dire, les gens avaient plus confiance en lui qu'en moi. Enfin, après, moi, j'avais pas tellement confiance en moi, donc ça pose aussi le truc, c'est qu'on peut penser que les filles n'ont pas confiance en elles, donc ça s'impose pas de la même façon. Mais ça reste un problème de légitimité, justement, de dire est-ce que je dessine assez bien, enfin de revendiquer le droit de dessiner aussi, enfin d'avoir un univers mièvre. On peut peut-être le revendiquer aussi, enfin. Parce que c'est mièvre pour les garçons, parce que ça correspond pas à leur taux de testostérone, mais ça a quand même le droit d'exister, quoi. Chloé, on a l'impression que c'est un peu différent. On a l'impression qu'il y a, j'ai pas l'impression qu'il y a autant de. Tu rentres plus dedans. C'est-à-dire qu'avec L'amour m'anime à Strasbourg, en effet, pareil, on pourrait croire que il y a le côté justement film de fille. Ah tiens, il nous parle encore de ses problèmes amoureux et ce genre de choses de journal. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins. Délicat, c'est ça ? Un moins problème, ouais, tu rentres plus dedans. Oui, mais en fait, c'est aussi l'avantage de l'animation et d'être une fille, peut-être, c'est de penser qu'à premier abord, les gens, quand on dit on fait de l'animation, ils trouvent ça mignon tout de suite. Et de pouvoir dire des trucs horribles, mais avec une petite voix. Ça, c'est. J'aime bien pouvoir faire ça. Ouais, la possibilité de. Bah, parce que dans mon anime, il y a ça, il y a des moments donnés. Même dans l'anime en elle-même, tu veux utiliser de la violence, tu veux utiliser des choses. C'est parfois assez tragique, mais ouais. Pour qui veut le voir ? Parce qu'il y a double lecture. Florentine, toi aussi, comment tu te situes par rapport à. Au parcours là, rapide, on va reparler avec Chloé, mais Sandrine. C'est un peu compliqué. T'as raison sur la légitimité. Peut-être. Alors, je sais pas si on se met plus en question, mais effectivement, la question de la confiance, de savoir si on dessine assez bien, etc. Bon, ça, je me le pose aussi beaucoup. Faut dire que moi, j'ai pas fait d'école comme les Gobelins, etc. Donc, il y a aussi. C'est vrai que bon, on se compare peut-être facilement. Il y a aussi le fait de. Moi, je fais des films souvent personnels ou des choses sur ma vie. Donc, je me dis, ah, je vais encore faire un film sur ma vie ou je vais encore faire un truc où. Forcément, quand je choisis un personnage féminin. Les gens ont plus tendance à se dire, bah, c'est elle. Peut-être que et si je choisis un personnage masculin, c'est un vrai choix. Enfin, c'est pour le coup, si je choisis un personnage masculin, c'est est-ce que je vais vous dire autre chose? Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que c'est un vrai choix de prendre, d'avoir un personnage féminin quand on est une femme? Toutes ces questionnements-là. Et est-ce qu'elle aura des traits qui me ressemblent ou ce genre de choses? C'est des vraies questions et c'est, j'ai l'impression que les femmes font des films souvent un peu plus introspectifs. Alors c'est pas du tout une généralité, hein, parce qu'il y en a qui c'est pas une généralité, mais c'est vrai qu'aussi c'est les sujets qu'on peut aborder sont plus délicats et c'est aussi plus compliqué d'avancer. Et c'est vrai que moi aussi souvent j'ai le sentiment d'être seule sur mes projets, alors que pareil je suis, enfin j'ai plein de, enfin j'ai pas à me plaindre en général, mais c'est vrai que ce que tu disais sur l'introspection, la confiance en soi, etc. Je le ressens aussi souvent. Chloé, voilà. Toi tu n'utilises pas le pas de style d'animation traditionnelle, comme on dit, hein. Enfin, pas de dessin, quasiment pas. C'est quelque chose qui était important pour traduire. Alors, est-ce que c'était par rapport au Beaux-Arts ? Est-ce que c'était par rapport à cette technicité dont on parlait jusqu'à présent ou Ben, en fait, c'est que la technique, ça m'intéresse pas trop. En fait, c'est surtout. Enfin, disons que j'ai une idée et je la fais avec les moyens que j'ai. Donc, parfois, c'est un peu mal fait, mais. J'essaye d'apprendre au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui va me bloquer. Enfin, je vais pas me dire, ah, je peux pas le faire. J'essaie d'inventer une. C'est ça que j'aime bien, c'est inventer des nouveaux procédés. Marie, est-ce que c'est ça, peut-être, sans vouloir dire qu'il y a, encore une fois, on va pas tenter. C'est pas intéressant l'idée du cinéma absolument féminin, mais est-ce que c'est ça quand même? C'est-à-dire le fait de parler plus de soi et que la technique, elle est peut-être, peut-être pas si importante que ça, qu'on se soucie pas de savoir si on va bien animer ce moment, mais qu'on va pouvoir transmettre quelque chose. Pardon. C'est sûr que la question du regard féminin, c'est ce qui revient le plus souvent quand on essaye de définir. On se dit, bon, ben, elles vont parler plutôt de choses qui les touchent directement. Donc, par exemple, il y a des films sur la grossesse ou des choses comme ça qui sont vraiment, pour le coup, des expériences qu'on pourrait imaginer purement féminines. Et puis, d'un autre côté, je pense que justement, ce qui pose question dans ces films et dans la forme un peu journal intime qui revient parfois, c'est qu'on s'oppose finalement à, ou pas forcément, mais on réfléchit à l'image qu'on donne des hommes et ça on renvoie un miroir aussi, parce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir l'image des femmes fantasmées par des hommes. Donc quand on se retrouve avec l'image inverse, ça peut effrayer les hommes, je pense, malheureusement. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce point de vue. Et puis ça pose des vraies questions sur... Il y avait un texte assez beau, je crois que c'était une lettre d'Arthur Rimbaud qui disait « Mais le jour où les femmes arriveront à écrire, elles vont inventer leur propre monde et ce sera d'autres mondes que les nôtres. Et ils seront intéressants parce qu'ils seront vraiment autres. » Et en même temps, ça pose une vraie question, parce qu'on vit quand même tous dans le même monde, donc pourquoi est-ce que nos mondes à nous, ils seraient différents? Enfin, qu'est-ce qui, dans notre expérience, fait qu'on voit les choses de manière si différente? C'est quand même un peu problématique aussi. Ça remet en cause une sorte d'universalité, et puis du langage de l'art qui serait censé s'adresser de tout le monde vers tout le monde. Donc le côté bipolaire dont parlait Sandrine, le côté est important, c'est-à-dire que quelqu'un, en prise de vue réelle, comme Kawase Nami par exemple, qui va beaucoup travailler sur ça. Sur elle, sur sa grossesse, sur ce genre de choses, pour prendre elle, mais il y en a d'autres, en effet, les femmes qui vont travailler sur ce genre de choses, évidemment en animation aussi. C'est-à-dire que cette sensibilité, elle est quand même là. On ne peut pas, comme disait Sandrine, on ne peut pas la gommer. Il y a une sensibilité féminine et plutôt masculine. Il peut y avoir un mélange par la suite, mais... Ben, on peut la gommer, en fait, parce que quand j'y vais comme tout le monde ici, j'ai essayé de réfléchir à des réalisatrices. Et je me suis dit, mais en réalité, en discutant avec d'autres personnes, il y a des réalisatrices qui gomment complètement le fait qu'elles sont femmes et qui rentrent, c'est souvent quand même pour rentrer dans le système un peu plutôt du cinéma plus commercial, mais où justement on attend d'elles qu'elles fassent la même chose. Et donc faire la même chose, c'est plutôt réaliser comme un homme. Et du coup, c'est intéressant, parce que comment on fait pour rentrer dans des codes? Et donc c'est une question qui a été amenée, je pense aussi, en tout cas du point de vue universitaire, par les gender studies, qui ont vraiment apporté toute une théorisation de ce point de vue. Mais je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Zero Dark Thirty. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un film qui est réalisé par une femme, si vraiment on ne le sait pas? Ou est-ce que l'érotisation un peu extrême des GI tend à donner l'impression que c'est... Enfin, il y a des vraies questions derrière ça. Est-ce qu'on est vraiment porté par notre nature? En plus, c'est quelque chose un peu 18e. Genre, les femmes sont douces, gentilles, bienveillantes. C'est un côté un peu énervant aussi. Donc oui, effectivement, c'est, à la fois, c'est sûrement quelque chose vers lequel on est porté. Et en même temps... est-ce que ce sera le cas encore, par exemple, dans 30 ans? Enfin, ce sera intéressant de le voir. Sandrine, tu voulais réagir? Non, oui, je voulais juste dire que les hommes pouvaient être féminins aussi. Enfin, qu'il y avait pas, que la question, elle n'était pas de... Enfin, c'était pas un combat, quoi. Moi, je vois, j'ai fait Irinka et Sandrine Kain, c'est un film féminin. Et il y a Jean-Charles qui a travaillé dessus et qui a compris mon univers féminin. Et... Donc c'est possible en fait, mais c'est moi ce qui me pose toujours question, c'est que je me dis c'est quand même dingue, les hommes s'intéressent pas à l'univers féminin et on pourrait leur donner des clés de ce qu'on est en faisant des films, etc. Et en fait ça leur fait plus peur de le savoir que de le, enfin comme si ça allait les changer ou et qu'ils deviendraient peut-être un peu plus féminins dans leur manière de penser. Et c'est, enfin, la question, pour moi, elle se pose plutôt là. Il y a une sorte de... Et c'est ce que dit Virginia Woolf dans Une chambre bien à soi. C'est les hommes qui ont peur que le féminin existe. Et on doit plus à l'histoire de l'art sur les femmes, au fait du rejet de l'homme à l'idée même du féminin, en fait. Que le féminin puisse avoir une place à elle, en fait, dans ce monde, et que ce soit pas une femme, une place qui gomme celle des hommes, en fait. Enfin, il y a de la place, on peut... Enfin, voilà, enfin, je sais pas... Non, si. Merci. Ouais, j'étais en train de me dire que ça fait une demi-heure, donc on va faire une petite pause pour revenir là-dessus, pour revenir sur donc peut-être les thèmes, mais là la thématique en effet aussi qui peut être à l'intérieur des films d'animation notamment, et en effet le croisement qui peut y avoir finalement entre les réalisateurs féminins et masculins. On disait ici quand on parlait de De la série S'Expérience avec Michaela Pavlatova et justement on disait mais pourquoi pas justement avoir un producteur homme, pourquoi pas avoir des scénaristes hommes, et en effet pourquoi pas justement commencer un mélange pour éviter ces clivages là. On va en reparler juste après, on va écouter une femme, je vous l'avais dit hein. Donc c'est la piste 5 pour l'instant, je fais facile, donc là tu peux pas dire cette fois-ci. Vous allez reconnaître, c'est Mia avec Paper Planes. Voilà, donc Bulle de rêve, Mia, Paper Planes. Donc on est en plein débat, c'est bien, hein, pendant la musique. Je vais reprendre ça parce que c'est intéressant, on va partir. Les femmes sont leurs propres ennemis, vous disiez, c'est-à-dire le fait de pouvoir se dire, en fait, et Florentine notamment, toi tu disais, mais oui, quand je fais un nouveau film, je me dis oh là là, mais j'ai encore faire un film sur oui, moi. Oui, j'ai l'impression que on s'expose plus. J'ai l'impression d'être plus exposée. Effectivement, je pensais au donc il n'y a pas que des réalisatrices qui font des films comme ça, un peu journal intime ou en tout cas des choses qui ont directement un rapport avec leur vie, ce qu'elles ont pu expérimenter. Donc on parlait de Sébastien Lodenbach. C'est vrai que j'ai l'impression que pour un homme qui fait ça, un réalisateur qui fait ça, on va moins leur dire ah, tu fais encore un film sur ta vie, ou moi j'ai l'impression. Oui, que c'est ça, je fais pas de films avec de la science-fiction, des planètes, et je sais pas, des fusées. J'ai pas du tout envie de faire des films comme ça. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une idée de film, c'est des choses que, qui me parle dans ma vie de tous les jours, et je m'en veux presque, je m'en veux en fait, non pas presque, je m'en veux souvent de me dire, tu fais encore un film, puis ça va être encore une héroïne, hein, puis elle va peut-être avoir les cheveux rouges encore, bon, faudrait peut-être arrêter. Alors je me dis, mais ça sert à rien, si tu mets un homme et ça sera comme toi, enfin c'est un peu déplacé, il faut l'assumer, mais c'est dur à assumer, enfin, parfois je trouve ça dur à assumer. Chloé, toi t'as fait mieux que ça, puisque dans ton second film, enfin dans ton premier film professionnel, on va dire Déroute, t'es dedans, et c'est ton histoire, c'est ton parcours justement de retrouver des racines comme ça libanaises de tes parents. C'est quelque chose que, sur lequel tu as hésité, ou tu t'es posé plein de questions ou Je me suis posé plein de questions, mais pas sur ma légitimité à jouer dedans. C'était surtout de trouver le ton juste pour que ça touche un maximum de personnes. Après, que ça soit moi qui joue, je trouvais ça plus juste finalement, parce que c'était mon histoire et que comme ça j'ai fait jouer aussi mes frères dedans. Donc il y avait quelque chose de qui me semblait logique. Voilà, ça m'aurait semblé complètement déplacé de mettre quelqu'un d'autre, surtout de le déguiser en pâquerette. Je ne sais pas ce qu'il aurait voulu. mais après L'amour m'anime, qui parlait déjà, alors, véridique ou pas, qui parlait de tes histoires d'amour, après on peut se dire, est-ce que ce qu'il y a d'inventé ou pas, comme dans tout documentaire, ça c'est évidemment la discrétion finalement de la réalisatrice et du réalisateur. Là par contre on est plus dans quelque chose de pas plus sûr, parce que pareil, hein, tu peux avoir tout inventé, en tout cas, là c'est vrai. Est-ce qu'au niveau des gens autour de toi, on t'a dit, ben, excusez Florentine, en disant, tu fais encore un film sur toi, tu peux pas faire une autre chose, tu peux pas essayer de fictionnaliser un peu plus le film, ce genre de choses. Si on me l'a dit, mais j'y pense souvent. Je me dis, c'est vrai que il faut trouver une légitimité déjà, parce qu'on fait quelque chose de, parce qu'on est dans une société, on fait des choses créatives, on a l'impression qu'on s'amuse quand on travaille. Donc déjà, il faut trouver une légitimité à travailler, à s'amuser. S'amuser. C'est à faire un métier qui nous plaît. Et donc, c'est déjà ça qui est un peu compliqué. Alors en plus, on va essayer pas trop se poser des questions, parler de soi ou pas. Mais après, je trouve ça plus intéressant de parler de choses qu'on connaît et qui nous touchent. Enfin, avec lesquels on transmet des émotions, que de parler de, je sais pas moi, d'un paquebot à Nantes, je sais pas, enfin quelque chose qui est avec lequel on va pas pouvoir faire passer quelque chose. Toi, une fois que le film a été terminé, tu l'as montré dans les salles. Est-ce que c'est difficile toujours de se dire, est-ce que tu as senti qu'on pensait à un regard féminin sur le film, enfin que des gens disaient, ah ben c'est bien un film de femme ou ce genre de choses. Est-ce que tu as ressenti ça? Non, et une seule fois on m'a dit, ah c'est un film de fille, mais c'est tout. C'est vraiment ça, il n'y a pas eu de. Après, peut-être que les gens le pensaient, mais j'ai pas eu l'impression. Et par contre, on te disait par rapport au côté libanais, au côté arabe, en disant, tiens, ça tombe bien, t'en as fait un, il y en a pas beaucoup, tu viens. Il y a des gens qui venaient me parler de la Troisième Guerre mondiale et tout. Mais pas du fait que ça soit une fille. Sandrine, j'allais t'appeler Irine. Irine et Sandrinka, toi, on est venu une fois que le film était terminé, venir te voir, te dire, c'est bien un film de femme, c'est bien un film. On m'a parlé. Enfin, il y avait des gens qui étaient gênés de l'intimité du film, en fait. Où il y a des gens qui, après le film, venaient me voir en me disant, mais vous avez vraiment besoin de raconter votre vie. Donc j'ai eu ça, et puis après j'ai eu aussi des gens qui essayaient de refaire l'histoire politique, alors que c'était pas du tout le but du jeu. Que moi, ma vision, on va dire historique, est très flottante dans mon film. C'est une vision historique imaginaire qui est reconstituée par tous les clichés que j'avais entendus sur la Russie et sur la Première Guerre mondiale et la Révolution bolchevique. Mais c'est pas historiquement montré. Enfin, et j'avais eu aussi des polémistes comme ça qui me disaient, mais les Russes, ils aiment pas les Polonais. Enfin, et qui rentraient dans des trucs comme ça. Et moi, j'étais sur scène et je me disais, mais je parle de ma tante. Mais un film de femme, non, je l'ai pas trop eu, en fait, parce que. Il a fait pas mal de festivals de prise de vue réelle, en fait. Il a été très peu dans les festivals d'anime. Donc j'étais assez vexée, parce que je me disais, je suis justement pas dessinée assez bien. Après, on m'a dit que souvent dans les festivals, ils regardaient que 5 minutes d'anime. Et c'est vrai qu'au début de mon film, il n'y en a pas beaucoup. c'est déjà, ça commence par du photomontage et je me suis dit merde, ils ont pas vu l'anime alors. Enfin, pardon, je dis un gros mot. On m'a pas trop embêté avec ça, au contraire, parce que comme il y a la révolution, le papier découpé, enfin le fait que ce soit aussi un documentaire, ça laissait quand même place à pas mal de questions qui pouvaient éviter que ce soit féminin. Mais le côté féminin, c'est, ouais, je pense que de parler de soi avec aisance, enfin avec, c'est plus féminin. Les femmes se parlent beaucoup entre elles, alors que les hommes. De tous les copains que j'ai, ils se racontent pas leurs histoires, leurs déboires. Ça reste toujours très. Et c'est peut-être une différence qui vaut la peine d'ouvrir des dialogues et peut-être amener les hommes à être un peu plus féminins. J'en reviens là. Parler un peu plus de Marie. Et du coup, en vous écoutant, je me demande si. Et c'est sûrement pas spécialement une histoire de nature féminine, mais une histoire d'éducation, si en tant que fille, on n'est pas habituée dès toute petite à avoir deux régimes de langage, un qu'on adresse aux filles et un qu'on adresse aux garçons, et on va pas du tout parler de nous de la même manière selon la personne à laquelle on s'adresse. Et peut-être c'est ça qui finalement, au moment où ces films touchent un public masculin, qui choque, parce que c'est un discours qui les atteint jamais, puisqu'on les réserve à d'autres. Enfin, je sais pas, c'est une idée comme ça qui me passait, mais par exemple, c'est frappant à Annecy. Enfin, l'année dernière, j'étais allée voir un certain nombre de programmations de films d'études, enfin de fin d'études. Et bon, il y a quand même encore beaucoup de garçons dans les salles. Et quand il y a des films réalisés par des étudiantes qui parlent de sexualité, etc., on sent que tout le monde se drape un peu dans sa dignité. J'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans sa tête. Florence Mirail racontait que pour Hammam, par exemple, elle pouvait le présenter à des publics mixtes notamment, et les hommes étaient très, très, très choqués. Les femmes, elles aussi, étaient finalement choquées de le voir avec les hommes. Et par contre, quand elle le voyait avec des salles uniquement de femmes, et Maghrébin, par exemple, les femmes adoraient et venaient l'avant en disant « Oh, c'est génial, c'est tout à fait comme ça que ça se passe, merci, etc. » Mais qu'en effet, d'un seul coup, là, même chez les femmes, le fait de révéler leur intimité devant des hommes, alors que normalement, elles en parlent qu'entre elles, était quelque chose d'assez choquant. Finalement, pour ces femmes-là, bah, c'est choquant. Enfin, je veux dire, moi, il y a des hommes qui m'ont dit mais quelle impudeur, en fait. Pour eux, j'étais impudique. Alors, moi, je le prenais pas pour moi, en fait. Ce que je comprenais, c'est que c'était leur position, justement, face à la pudeur. Enfin, c'est eux qui. Enfin, souvent, les gens, quand ils vous disent quelque chose sur votre travail, ça vous appartient plus déjà. C'est leur interprétation Et souvent, ils vous montrent les propres limites de leur acceptation, en fait. C'est leur limite à eux dont ils viennent vous parler, pas de la vôtre. Et il y a des gens qui ont du mal à parler de relations familiales et de choses comme ça. Et moi, c'est plutôt là-dessus que j'ai eu pas des soucis, mais que j'ai eu par moments des gens qui veulent pas savoir. Et on se rend compte qu'ils doivent être dans des familles où on se parle pas. Enfin, et que justement, la parole, c'est quelque chose de fort, quoi. Enfin. Marie, est-ce que c'est pour ça que peut-être beaucoup de femmes se sont, et notamment, alors, je sais, au Japon, mais un peu partout, se sont lancées dans le documentaire? Est-ce que finalement, ce qu'on dit là aussi, c'est un peu entre le documentaire et la fiction? C'est vrai qu'on constate beaucoup de porosité entre ces domaines-là, alors que c'est beaucoup moins vrai de l'autre côté. Je ne sais pas exactement, ce serait très intéressant de faire des comparaisons, c'est-à-dire de se rendre compte à quel point ce qu'on dit, c'est culturel et c'est lié au fait qu'on vit en Occident et qu'on a donc un rapport à cette dualité homme-femme qui est peut-être particulière. Par exemple, au Japon, il y a eu des romancières très tôt, beaucoup plus tôt que chez nous. Donc est-ce que ça a changé aussi la place qu'on leur attribuait? En même temps, elles n'écrivaient pas avec la même langue que les hommes, on leur attribuait un rôle qui était particulier. Donc effectivement, on pourrait se poser cette question-là. Par rapport au documentaire, je pense que c'est un peu terrible, mais quand on est documentariste, on doit écouter l'autre. Donc on a une position qui, encore une fois, qui ramène plutôt à cette position un peu maternelle, un peu bienveillante, de donner la parole aux autres, et donc on se cache un petit peu aussi. On a moins besoin de se mettre en avant, donc c'est effectivement probablement une sorte de refuge. Donc, par rapport au thème des désirs animés, on a beaucoup parlé, sans en parler réellement, mais on a beaucoup parlé de sexualité, notamment, et de se dire que les femmes ont une vision beaucoup plus, quelque part, crue que les hommes. Et les hommes sont toujours un peu surpris de voir ça. Quand je dis cru, c'est qu'ils vont, vous allez beaucoup plus loin, les femmes vont plus loin, et les hommes finalement ont un regard cru sur la sexualité, mais qui est toujours un peu du même style, quoi. C'est-à-dire, c'est plutôt le nombre de femmes à la rigueur, voilà, avec qui ils ont été, et puis ce genre de choses, alors que les femmes vont plus loin. On parlait la dernière fois aussi du fait du corps de la femme qui est en perpétuel, voilà, pas perpétuel changement, mais en tout cas, il y a toujours cette. C'est la nature qui revient, moins par rapport aux hommes. Est-ce que ça, aussi le fait que dans l'animation Et le fait que c'est drôle autour de cette table, mais alors encore plus, mais il y a le côté très organique aussi du cinéma quelque part. Je trouve que vous faites, on a de la matière dans vos films, presque plus que finalement certains films d'hommes. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous paraît une piste? Ou alors pas du tout, quand vous parlez de dessin, c'est pas trop bien dessiné. Chloé, toi tu utilises, il y a plein de styles complètement différents. Ça vient peut-être plutôt du fait qu'on n'ait pas fait d'école d'animation. Que du coup... Là, sur vous trois en effet, j'ai pas de chance. Zut. Toi tu penses que ça viendrait plutôt de ça et que donc il y ait une... J'essaie de réfléchir en même temps. Florence Mihail a fait de la peinture. Bon, elle a fait l'Ensad, pas animation. Marie Pacou, elle a utilisé de... fait de la peinture, elle a changé un petit peu, elle a fait l'ENSAT pourtant. On a parlé de Cérise Lopez ou des gens comme ça. Je sais pas si c'est uniquement. Mais c'est vrai que les réalisatrices ont tendance à changer, même on pense à Caroline Leaf, etc. Et, enfin, c'est vrai qu'on a, on se cantonne pas à une seule technique. Disons que la technique se met au service de l'animation, au service du propos. Peut-être plus facilement, on n'a pas. Voilà, c'est pas on fait de la 3D ou on fait du 2D. Moi, souvent, quand on me demande quelle technique, je dis j'ai fait 4 films, c'est 4 techniques différentes et c'est, j'ai pas. Je me cantonne pas, puis j'aime bien expérimenter, oui, effectivement, tout ce qui est matière. Alors après, est-ce que ça rejoint ce qu'on a dit sur la sensibilité et c'est un peu difficile de faire des généralités. Moi, la cuisine. C'est ça. Ok. Oui, et puis la couture aussi, c'est simple. On peut tous les. Non, mais c'est quand même quelque chose. Je sais, encore une fois, des fois, c'est inconscient, pas conscient, mais par exemple, toi, Sandrine, est-ce que ton prochain film est dans le même style que. Je sais que tu as un projet. Ouais. Court-métrage, est-ce que c'est dans le même style que Sandrinka? Ben, on va dire que c'est dans le même style parce que j'ai un graphisme, enfin j'ai ma manière de dessiner, enfin de me dessiner d'ailleurs. mais par contre ça parle toujours de moi, ouais. Enfin moi je suis incapable de me mettre à une table et dire alors voilà ce personnage il va faire ceci, puis j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Enfin, je ne peux parler que de ce que j'ai vécu moi-même. Et justement, tout mon travail et mon rapport, on va dire, à l'art est une manière de mieux me connaître, en fait. Alors, c'est très narcissique, sûrement, mais c'est plutôt... ouais, j'essaye de savoir qui je suis et ce dont je suis capable et quelle est ma place, en fait. Et ça en vient toujours à un problème de légitimité. C'est en essayant de décortiquer ce que je ressens moi en tant que femme, de comment je vis le monde. Et c'est vraiment par rapport à la perception du monde. Enfin, donc je parle de moi et de ma propre perception. Alors il y a des gens qui peuvent dire que ça n'intéresse personne, mais j'avais le même problème sur Irinka et Sandrinka, où je me disais tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de mes photos de famille et tout ça. Et en fait, si on le fait sincèrement, je crois que le propos dépasse l'intimité et devient, enfin, avec toute la modestie du monde, plus universel du coup, parce que on est tous différents, mais on se ressemble quand même tous assez. On a tous eu justement des photos de famille, de grands-parents qu'on nous a passées sous les yeux. Et c'est ça qui marche à ce moment-là. Donc, Marie, est-ce que c'est ça justement, on ne peut pas parler de narcissisme, est-ce que finalement, cette place dans le monde, qui en effet qui a été l'une des problématiques de la femme et qui est toujours la problématique de la femme et qui se pose quand même tout le temps, même pour les hommes, même si on ose moins se la poser, on va dire directement. Est-ce que c'est pour ça que ces films aussi sont peut-être aussi... Enfin, en tout cas, moi, je le pense aussi fort, même que par rapport à des films d'hommes, des fois. Tout à fait. Et enfin, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu ton film. C'est-à-dire, ça te renvoie à des choses. Enfin, j'ai une famille de paysans auvergnats, mais ça n'empêche pas que t'aies fantasmé tes origines et qu'il y a un moment où te confronter à ça, ça pose plein de questions. Donc, c'est de toute façon des questions universelles. En réfléchissant à cette émission, je me suis rendu compte que les exemples qui me venaient, c'était des exemples de photographes, comme Nan Goldin ou Cindy Sherman. Et Cindy Sherman, c'est intéressant parce qu'elle se mettait vraiment, enfin Nan Goldin aussi, mais elle se mettait vraiment en scène, elle, donc son corps vraiment déguisé, donc de manière souvent un peu provocatrice ou exagérée. Et il y a vraiment eu deux lectures complètement différentes. Les féministes en particulier ont dit, mais voilà, elle montre comment les femmes sont enfermées dans des rôles dont elles ne peuvent pas sortir, etc. Et puis il y a des gens qui ont dit non, en fait, elle parle du flou identitaire de notre époque, du fait qu'on a perdu le rapport direct. Voilà, on n'a pas un métier précis qu'on fera toute notre vie, qu'on a hérité de nos grands-parents, etc. Et du coup, c'est un peu intriguant parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on plaque pas aussi beaucoup des lectures qui sont celles de problématiques contemporaines sur des gens qui simplement expriment ce qu'ils ont à dire? Et ça n'a pas forcément de lien avec... la question du féminisme en tant que tel. Et donc effectivement, c'est compliqué parce que ça devient une espèce de grille de lecture un peu encombrante aussi parfois. Justement, est-ce que toi, Chloé, par exemple, tu te sens féministe ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, en plus, c'est vrai que j'ai toujours été entourée d'hommes. J'ai grandi, j'ai trois frères, donc j'avais même plus tendance à mieux m'entendre avec les garçons. Donc à aucun moment, je veux taper sur sur les garçons. Il y a un terme absolument horrible en français qui s'appelle « garçon manqué ». On dit « garçon manqué », qui est vraiment un terme pas beau du tout. Plus joli en anglais « boyish ». Enfin, en voilà, on dit ça en plus. Je trouve que c'est plus joli, mais même si c'est pas mes garçons manqués. Est-ce que... il y a plus de garçons manqués, encore une fois, avec plein de guillemets, en animation. Et il y a un côté qui est un petit peu plus, parce que finalement, j'ai souvent ça aux étudiants et étudiantes. J'ai du vernis. T'as du vernis, c'est vrai. Mais t'es la seule. Pardon. Marie aussi. Non, mais est-ce que souvent c'est drôle. Moi, je sais que quand mes étudiantes, dans les trois écoles que j'ai, c'est vrai que j'ai souvent, heureusement, enfin c'est très bien, mais plus des filles qui vont pas tellement s'inquiéter de la manière dont elles sont habillées quelque part, peut-être. C'est entre parenthèses. Là c'est toujours, en plus, quand un homme dit ce genre de choses, je trouve que c'est toujours des terrains un peu. Oui, c'est ça. C'est marécageux et c'est pas forcément parce que ça veut dire quoi être féminin, enfin, etc. Mm. Là, qu'est-ce qu'une femme? On n'a pas assez de temps. Non, j'allais dire, Thomas, j'ai pas encore la pause musicale de manière à me sortir de cette phrase voilà, terrible. Voilà, donc je sais plus, évidemment, rentrer dans des marais comme ça, c'est pas évident. Mais. Non, est-ce que... je sais pas. C'est juste peut-être... Non, je sais pas. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que... Enfin, il y a deux univers dans l'anime. Il y a l'univers de l'industrie et il y a l'univers du court-métrage. Dans le court-métrage, c'est... Les femmes ont vachement investi cet univers-là parce qu'il y avait moins de place et dans le monde de l'industrie du travail. Enfin... Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, moi, quand j'ai commencé, les filles qui arrivaient à faire de l'animation avaient tendance à se masculiniser dans leur comportement pour tout simplement pour s'intégrer. Mais maintenant, je trouve que ça change, parce que comme avec la Poudrière et toutes ces écoles qui se sont ouvertes, je trouve que les filles commencent petit à petit à prendre une place féminine qui est pas forcément qui s'habille en fille, mais en même temps qui ont du caractère. Donc ça vient après, je pense qu'il faut laisser du temps au temps, mais ça s'ouvre en tout cas. Ça y est, ça commence à être investi par les filles. Depuis 5 ans à peu près, on voit un vrai changement. Bon, après, c'est pas mirobolant, mais ça vient. En tout cas, ça vient, enfin, moi je trouve. Mais du coup, les filles ont peur d'être féministes. Enfin, ça, c'est aussi autre chose. C'est quoi être féministe? C'est ça, Chloé. Chloé, tu as dit, tu te sentais pas féministe parce que, en fait, féministe, c'est pris comme, c'est une injure maintenant, ouais. En fait. Non, mais sincèrement. C'est Marie, en fait. Moi, je veux dire, par rapport au mot féministe dans les années 70. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, quand j'y réfléchis, des fois, je me sens féministe, mais alors, juste l'instant d'après, je me dis, c'est un reproche. Enfin, voilà, il faut être, à l'heure actuelle, il faut pas être féministe quand t'es une femme. C'est un peu comme ça que je le vis, même vis-à-vis d'amis ou de proches. Qui sont pas du tout pour le coup macho, etc. Si tu commences à parler un peu, on va te dire mais il n'y a pas de féministe ou toi, on est toutes pareilles, point. Enfin, tout le monde va éluder un peu le. Est-ce que Marie, et je reviendrai sur ça parce que thème, mon charabiette tout à l'heure voulant en arriver à quelque chose quand même, mais est-ce qu'aujourd'hui justement on n'a pas ce problème des années 70, du MLF et finalement d'un féminisme et de se dire on a besoin d'être féministe encore aujourd'hui parce que rien n'est encore. Gagner quelque part, et on a l'impression qu'il y a plus de choses gagnées, surtout dans les petits milieux peut-être artistiques, et on se dit oh mais il faut arrêter maintenant, on passe à autre chose, alors que peut-être qu'il y a encore beaucoup de batailles à mener. Moi j'ai été vraiment élevée dans cet esprit-là, hein, le côté des combats qu'on a menés pour toi, le planning familial, il faudrait que tu les défendes, etc. Donc c'est une grosse responsabilité, et on a l'impression que je sais pas, on est à peu près de la même génération ici, que effectivement c'est quelque chose qu'on délaisse, mais qu'on délaisse parce qu'on sait pas très bien quoi en faire et qu'on comprend pas vraiment à quoi ça correspond. On n'a pas été confronté aux problèmes que même ne serait-ce que nos mères ont connus et qui étaient des problèmes réels qui correspondaient à des besoins revendicatifs particuliers. Et non seulement on veut pas se revendiquer féministe, mais on sait pas ce que c'est. Enfin, donner une définition du féminisme, il y a des milliers de courants actuellement qui défendent tous des choses différentes, qui vont de. Enfin, moi j'en ai rien à faire qu'on m'appelle mademoiselle. Enfin, pour moi, c'est pas une un enjeu particulier. Au contraire, je trouve ça très mignon. On m'appelle madame toute la journée à la fac. Un peu, ça vieillit. Mais oui, effectivement, il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Et du coup, alors que ça a été un modèle très fort et très identificateur pour les femmes des années 70, où elles pouvaient vraiment rentrer là-dedans et c'était... Claire, il y a beaucoup d'hommes aussi qui s'intéressaient à ça et qui se revendiquaient féministes. Aujourd'hui, c'est très difficile, alors que si on relit Simone de Beauvoir, il y a plein de choses qui sont très bien pour nous encore aujourd'hui. Non, mais c'est aussi, Sandrine, et après Chloé. C'est comme si on disait que si on est féministe, on n'aime pas les hommes, ou on est en guerre contre les hommes, alors que c'est pas, le débat, il n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui refusent d'être féministes, parce qu'on a bien compris qu'après l'extrême qu'on a vécu au début, mais il fallait en passer par là pour exister. Enfin, je veux dire, on n'attaque pas un château fort avec une petite cuillère. Faut y aller plus dur, quoi. Donc nos grands-mères ont dû y aller très fort pour que la question se pose et qu'il y ait des ouvertures. Donc nous, on a plein de choses qui ont été gagnées par. J'allais dire nos ancêtres, mais enfin, j'ai pas le mot. Les aïeux, mais il faut pas qu'on l'oublie, parce que enfin, il y a plein de choses qui se dégradent en ce moment. Je crois que le droit à l'avortement en France est pas tant un droit que ça. On n'en parle pas, et je sais pas si la situation des femmes s'améliore vraiment. Et qu'au-delà de dire, je veux dire, quand ça m'avait choqué, par exemple. C'était Elisabeth Guigou qui devait être présidente de l'Assemblée nationale. Elle était en lice. Et quand on écoutait ce que disaient les hommes politiques, quel chemin on a fait, quoi. Tout ça parce qu'elle a une jupe, on la mettrait à l'Assemblée nationale. Alors que cette femme, elle a une histoire. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans la politique. Personne n'a parlé de son parcours, alors qu'il parlait des parcours des hommes, il parlait pas du parcours de cette femme-là. Elle représentait la femme. Voilà. Ouais, alors que c'est la parité, c'est pas. Enfin, je veux dire, quand on parle de parité, c'est pas dire faut autant de femmes assises dans l'Assemblée nationale et autant d'hommes. C'est avoir une vision, matriarcale aussi, bipolaire du monde politique. C'est-à-dire qu'il faut aussi, la femme est politique aussi, et qu'il y a besoin autant d'une politique d'hommes qu'une politique de femmes, et que plus il y aura les deux, mieux ça fonctionnera pour tous. Enfin, c'est pas un combat de prendre la place de l'homme, c'est juste de prendre la sienne, d'avoir le droit, d'avoir son siège, d'avoir sa pensée, son besoin politique aussi, parce qu'on a des besoins qui sont différents. Et on est dans la société comme tout le monde, donc il faut qu'on y soit représentatif et que nos besoins soient représentés autant que les besoins des hommes. Enfin, voilà. Chloé, tu voulais réagir? J'ai oublié. Non, mais c'était dans l'idée, oui, que c'était un peu pas dépassé, mais que le féminisme était souvent associé à une lutte contre l'homme presque, et que je trouve que maintenant la lutte, elle est dans le fait de continuer malgré tout à faire quelque chose qu'on aime bien, et que je vois dans ma famille, les femmes avant, elles ont mis de côté leur travail pour s'occuper d'une vie de famille, ou parce que elles n'avaient pas forcément besoin de travailler. Maintenant, on a besoin de travailler. C'était justement ça qui permettait de continuer, que c'était cette lutte de s'accrocher au fait que même si on fait quelque chose qui est différent, de continuer à le faire, et que c'était comme ça que les choses évoluaient. C'était pas par un truc un peu agressif. D'où l'importance finalement de femmes et animation, comme on disait tout à l'heure, c'est que finalement, on est encore une fois dans deux cadres quelque part qui sont difficiles à tenir. C'est-à-dire que l'animation, il y a encore beaucoup de combats pour le mettre en place par rapport à la prise de vue réelle, on le sait bien, et les femmes aussi. Donc finalement, les deux ont ce côté, on peut se faire plaisir et on a le droit de se faire plaisir en travaillant finalement aujourd'hui. Oui, puis surtout, oui, il faut s'accrocher, quoi. Toi, ton prochain film, il parle de toi, de nouveau, ou t'as un projet déjà de court-métrage? Oui, ouais. Il est en attente au CNC, c'est basé sur une histoire vécue, mais c'est sur la capacité qu'a l'être humain à ne pas choisir les meilleures solutions pour se débarrasser de ses souffrances. Donc, ça part, oui. Donc j'avais été malade pendant un moment, je me suis pas soignée, tout ça, nanana, donc ça part de ce constat là que en fait on est capable d'endurer des choses qu'on ne devrait pas. Et c'est en racontant après cette histoire de maladie à des proches que je me suis rendu compte que ça parlait vraiment à beaucoup de personnes, et c'est ça qui m'a donné envie de le mettre en film. Mais c'est quelque chose d'important, intéressant, ce que dit Sandrine aussi. En effet, c'est un combat à avoir de croire qu'il n'y a pas un public, mais des spectateurs. Et donc, en tout cas, par rapport à une grande partie du cinéma qu'on peut faire et qu'on peut aimer. Et donc, en effet, qu'on peut parler à une personne. Si on parle à soi-même, quelque part, le nombre d'auteurs moi, qui m'épatent. Enfin, je raconte souvent l'histoire de Nick Park, que j'ai rencontré. Je lui ai demandé par rapport à Wallace et Gromit. Et il me disait, mais moi, du moment que ça me fait rire, moi, je me dis que ça fera rire forcément d'autres personnes, je suis pas unique. Et donc je trouve ça intéressant, ça va un peu contre cette idée d'absolument parler aux spectateurs, parler et se dire, parler au public, attention, tu parles à un public. Cette phrase que je trouve absolument horrible et que j'arrive pas, toujours pas à comprendre. On va faire une petite pause avant de revenir et on va faire, c'est là où je vais être un peu plus compliqué, c'est pas la piste 6, c'est pas la piste 7, donc on passe Emilia Torini, on passe Mazistar, c'était joli pourtant, mais on va arriver à la piste 8, on va partir au Japon avec Shina Ringo, et voilà, bah on écoute. Et on revient pour déjà clore cette émission. Et voilà, c'était Shina Ringo et la voix de Nicolas qui empêche les discussions avec ce terrible 20, 10 qui est arrivé. On sait que la lumière rouge va se rallumer et donc il faut qu'on stoppe le débat pour leur partir. Voilà, donc c'était Shina Ringo, quasiment la dernière partie. J'aurais bien aimé mettre du Kate Bush parce que Kate Bush c'est quand même une voix incroyable, mais on n'aura pas le temps. Décidément, à chaque fois c'est Kate Bush qui prend. Je sais pas si je lui fais ça parce que c'est quand même pas sympa. De ma part, mais comme je suis pas sympa, en plus c'est la première fois qu'on se rencontre, donc elle va se dire qu'est-ce qui me fait. Attention, le dessin, oui, tout est dessiné dans Valsa avec Bachir, mais ce n'est pas davantage un film d'animation, en tout cas pas au sens traditionnel. Je vais un peu plus loin, et les corps eux-mêmes sont très loin de Disney. Plus loin, Psychanalyse a l'air pénétré, camarade hanté par la récurrence d'un rêve dans lequel 26 chiens le poursuivent dans les ténèbres de Tel Aviv. Ils évoquent au mieux un droupi qui serait l'hébreu. Cette critique, c'est une critique de Valsaïk Bachir, des Cahiers du cinéma. Elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de toi, en effet, tout à fait. Je n'ai pas le nom, mais... Voilà. Je n'ai pas le nom, désolé pour la personne qui l'a écrit, mais on ne sera pas, voilà. Quand on est critique d'animation, c'est déjà pas évident. Parce que j'en parlais récemment, bah, au FICAM, il y avait on en parlait avec Gilles Simon, Ilan Nguyen et Marc Aguès de Katsuka, et on disait que déjà, il n'y avait pas beaucoup de critiques. Il n'y a pas de livre sur le cinéma d'animation, sur l'histoire du cinéma d'animation. Il y a quelques livres sur l'esthétique maintenant, enfin en avance. Et il y a peu de femmes qui écrivent aussi. Hein, parce que si on doit parler, pareil, on va parler de Bazin, on va parler voilà, des grands noms, Ibn Dadzi, Olivier Cotte, on va parler des noms comme ça. Bah, femme, comment on s'intéresse à l'animation et comment on s'intéresse plutôt au côté critique et journaliste? C'est vrai qu'il y a vraiment très peu de femmes de manière générale. Alors, il y a des enseignantes, moi je donne des cours à l'université en cinéma, et il y a des femmes, beaucoup même, qui enseignent, et puis finalement c'est pas elles qui écrivent, et c'est pas elles qui deviennent les théoriciens les plus importants, mais bon, ça on a un peu l'habitude. Je peux vous raconter une anecdote, j'espère qu'ils m'écouteront pas parce qu'ils seront vexés, mais je pense qu'ils ont autre chose à faire. En fait, j'ai commencé à écrire au Cahier du cinéma pour une raison très précise, qui est qu'ils avaient qu'une seule journaliste, qui était une femme, qui était Mia Hansen-Love, qui est réalisatrice, et qui a arrêté donc d'écrire parce qu'elle réalisait ses films. D'ailleurs, elle avait écrit un texte très intéressant dans le numéro sur les femmes réalisatrices. Et du coup, on leur disait, mais c'est n'importe quoi, vous revendiquez d'avoir un point de vue global sur le cinéma, puis il n'y a aucune femme qui écrive pour vous. Et je travaillais à l'époque avec quelqu'un qui s'appelle Charles Tesson et qui a été longtemps le directeur des Cahiers du cinéma. Et donc, il a dit au rédacteur en chef, bah tiens, moi j'ai des étudiantes, elles sont bien, t'as qu'à leur faire écrire des choses et puis on verra bien. Et donc, on s'est retrouvés comme ça, quelques étudiantes, à écrire des choses qui étaient censées, du coup, représenter, alors quoi, un point de vue féminin dans la critique journalistique. Enfin, c'était un peu bizarre parce qu'on se disait, mais enfin, moi j'ai une spécialité, c'est le cinéma d'animation, même plutôt japonais, donc qu'est-ce que le fait que je sois une femme vient faire là-dedans? Donc c'était un peu problématique. Et puis assez vite, on se rend compte que ça n'a pas de sens dans le contenu. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce que j'écrive soit foncièrement différent de ce qu'aurait écrit un homme. Par contre, dans le milieu professionnel qui est celui du journalisme, là, ça a vraiment un sens. Et ce sens, il est assez lourd pour le coup. Parce qu'effectivement, on se retrouve en butte à des gens qui n'ont pas trop l'habitude qu'on les contredise. Et contredire un homme de 40 ans quand on est une jeune étudiante de 20, c'est tout de suite assez compliqué. Donc ça, c'est un peu la réalité du, on va dire, concrète de la chose. Après, sur les écrits, c'est un peu comme poser la question des femmes philosophes, parce qu'on relance un problème qui est celui de, est-ce que c'est simplement qu'elles n'ont jamais eu assez d'idées pour faire des livres, ou est-ce que c'est les conditions matérielles qui les ont amenées à ne jamais pouvoir exprimer ce qu'elles avaient à dire? Évidemment, enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse à donner à ça. Il y aurait sûrement eu, d'ailleurs, Virginia Woolf, un chapitre très, très touchant où elle imagine la sœur de Shakespeare. Et donc, elle raconte, bah voilà, on sait que Shakespeare s'est présenté au Théâtre du Globe demander à rencontrer le directeur pour lui présenter son travail. Et elle dit, bon, bah voilà, imaginons que ce soit une femme. Déjà, il faut supposer qu'à 17 ans, elle arrive à s'enfuir de chez elle, qu'elle arrive à arriver jusqu'à Londres sans se faire dérober toutes ses affaires, etc. Qu'elle arrive au Théâtre du Globe, que quelqu'un la laisse rentrer par miracle jusqu'au directeur, ce qui évidemment ne serait pas arrivé à l'époque. Et une fois qu'elle y serait, enfin après c'est un fantasme de sa part, mais il est assez intéressant, elle dit bon bah d'accord, elle le rencontre, on peut supposer qu'assez rapidement il la séduit, et elle finit enceinte et elle se suicide. Et c'est terrible parce qu'on se dit effectivement la difficulté matérielle pour arriver jusqu'au moment où on va arriver à exprimer ses idées, et ça revient à cette histoire de chambre à soi et de paye, etc. Ça demande des conditions matérielles qui sont réunis depuis très peu de temps, en fait. Ce qui fait que là, on n'aura jamais directrice de la Cinémathèque, on n'aura jamais, ou en tout cas, ça va prendre... J'espère que ça arrivera, mais oui, ça prendra plus de temps, parce que ça demande cette condition préalable qui ne sont pas totalement remplies. Et c'est vrai, enfin, ce qu'on dit ici sur l'animation, c'est vrai aussi pour le milieu universitaire, c'est-à-dire qu'il y a plein d'étudiantes qui finissent brillamment leurs études à Bac plus 5, et puis qui tout d'un coup disparaissent dans la nature. Alors, est-ce que, juste sur ce point-là, quand on avait fait l'émission l'année dernière, il y avait moi, comme tout, la seule chose que je voyais, c'était deux choses. C'était alors d'un côté les productrices, peu de productrices, donc difficulté pour les femmes. Alors on pourrait parler des universitaires, mais difficulté pour les femmes de finalement trouver des gens qui comprennent aussi un peu plus leur cinéma. C'est compliqué parce qu'évidemment, vous êtes en état preuve ici, il y a des hommes qui comprennent aussi les femmes et qu'en produisent. Et cette évidemment cette idée de d'obligation, presque de grossesse à un moment donné, de se dire c'est tellement beau d'être une mère que d'un seul coup, et que c'est tellement inculqué dans la tête de la plupart des femmes depuis qu'elles sont jeunes. Et puis il y a cette fameuse horloge biologique qui dit bah voilà. Donc on avait ces deux pistoles là qui sont évidemment pas définitives, qui sont pas pour tout le monde, hein. C'est terrible toujours de faire un débat comme ça qui mériterait des heures de débat et de les mettre en... Est-ce que ces deux pistes, est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez, est-ce que il y a d'autres choses sur le fait que finalement les femmes disparaissent, entre guillemets, ou en tout cas sont beaucoup moins présentes, alors qu'elles le sont énormément à des degrés de qualité en plus assez hauts au niveau universitaire ou au niveau école d'animation, et que finalement, quand on regarde, il n'y en a pas énormément. Là, tout le monde me regarde, et personne ne sait, personne. La solitude du journaliste, enfin de l'animateur qui, d'un seul coup, Sandrine n'en a rien à dire, Chloé. Non. Sur la cuisine. Hein ? Toujours la cuisine ? C'est trop facile, ça. Ouais, non, je... Florentine, Marie, non, il n'y a pas des pistes qui vous paraissent ? Ou est-ce que c'est juste le machisme ambiant ? Non. Mais je pense que ça a changé un petit peu, non ? Dans n'importe quelle branche, de toute façon, c'est plus compliqué pour les femmes d'accéder, de faire mais une carrière... On avait parlé, je sais que c'est assez compliqué, mais pourquoi ? Je sais bien que c'est pas juste quand on en a fait on en avait parlé, et quand j'en parle, et je dis on va faire cette émission, en effet, on nous dit, mais attendez... C'est pas facile là-dedans, et c'est évident. Voilà. Mais là, c'est une émission sur le cinéma d'animation, donc c'est plus facile de le prendre sur ce prisme-là. Mais est-ce que, je me posais la question en vous entendant tout à l'heure, est-ce que, c'est-à-dire que l'homme, masculin, a pas un effort à faire pour justement devenir lui quelque part féministe et vous. Et faire que la femme justement n'ait plus à être féministe et à devenir autre chose et que l'homme doit dire, bon, allez. Tendre les perches, enfin essayer de justement d'amener il y en a de plus en plus facilement. Je trouve, ouais, hein, Sandrine. Olivier Catherin, d'ailleurs, on peut le renommer. C'est quand même un homme qui produit beaucoup de femmes. Exact, ouais. Et qui rend beaucoup de services pour ça. Enfin, il y en a plein des hommes féministes ou féminins, on va dire, qui. Enfin, moi, je vis avec quelqu'un qui me laisse faire mes films et qui est d'accord pour que je gagne un peu moins bien ma vie pour pouvoir faire mes films. C'est une attitude féministe. Enfin, et en plus, on le co-réalise du coup. Et du coup, il se met à ma portée. Enfin, je veux dire, c'est là où ça devient intéressant, justement, parce que. Il se met dans ma position de femme. Enfin, il est obligé de ça, puisque mes films sont assez féminins, au fond. Et peut-être que, du coup, il y amène aussi... je sais pas, un recul que moi, je serais peut-être pas capable d'avoir. Enfin, justement, de me confronter à ce co-auteur masculin me fait aussi prendre un peu de recul par rapport aux énervements féminins qu'on peut avoir quand on n'est pas pris au sérieux... et puis même être rassurée quand on se sent complètement parce que c'est dur en fait d'être une femme dans le monde quotidien il faut constamment imposer son point de vue c'est pas évident quoi et des fois on a quasiment plus confiance en soi on se dit mais en fait les hommes ont raison je ferais mieux de rester à la maison m'occuper de mon gamin je ferais peut-être mieux quoi et puis en fait et d'autres jours tu dis mais non enfin j'ai le droit de m'exprimer du coup on a besoin des hommes aussi pour ça enfin je veux dire c'est pas on n'est pas des ennemis quoi enfin Chloé encore une fois j'ai l'impression que toi c'est pas la même pas du tout le même la même vision justement que j'aurais jamais ressenti ce truc-là de la part des hommes de me dire toi tu restes à la maison enfin il faudrait mieux que tu sois à la maison mais peut-être plus quelque chose de générationnel la génération au-dessus de nous qui ne nous aide pas forcément et pas c'est pas entre nous mais les gens qui sont dans les institutions qui sont plus âgés je trouve que c'est eux qui ne tendent jamais la main vers les plus jeunes au contraire il y a un truc de reste un peu à ta place et c'est pas le fait d'être de genre quoi c'est vraiment le truc où c'est des gens qui sont assis sur leur position et à leur place et que ça soit des hommes ou des femmes et qui vont tout faire pour que tu dépasses pas C'est intéressant ça, le côté générationnel. J'ai moi au niveau des écoles, j'ai tendance à, enfin voilà, on est plusieurs à vouloir essayer que les élèves se battent et fassent des choses nouvelles, et j'ai quelqu'un, je ne dirais pas, voilà, qui parlait d'un de ses professeurs, d'un de ses intervenants, qui disait non mais là tu veux tout changer, tu veux faire ça dans l'animation, tu veux faire des films dans ce style là mais moi j'essaie de le faire quand j'étais jeune, je te dis ça marche pas, perds pas ton temps et fais des trucs pour les industries, pour le studio, c'est comme ça que tu vas marcher, sinon tu n'y arriveras pas. Est-ce que Sandrine, ce que dit Chloé justement par rapport à ça, le côté générationnel aussi, ça te parle ou Enfin, moi, ça fait un moment que je suis dans l'anime. Enfin, je suis pas vieille, mais je suis pas jeune non plus. Je sais pas. Enfin, moi, je suis arrivée à un moment où je trouve qu'on avait plus de possibilités. Enfin, je vais peut-être dire une bêtise là, mais de possibilités de faire des choses vraiment personnelles. Enfin, je trouve que maintenant, avec les nouvelles technologies, faut faire des images très propres. Enfin, il y a quelque chose comme ça, un peu dictatorial, qui est apparu. Et des jeunes qui veulent faire des films très beaux, lisses, enfin, tout ça. Et moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Le fait d'avoir fait les Beaux-Arts, par exemple, fait que mon questionnement est plus par rapport au fond. La forme vient après, qu'elle soit adroite ou maladroite. C'est pas vraiment le propos, en fait. C'est qu'elle sert vraiment... Et cette idée de fond, c'est peut-être ce qui a le moins d'impact dans les nouvelles générations, où ils veulent faire des jolies histoires. Enfin, et je sais pas ce que ça veut dire, en fait, quand ils disent « Non, mais moi, je veux juste faire un joli film. » Et en fait, il y a une sorte de carence de fond, parce que la technicité a pris tellement d'ampleur est devenue tellement séduisante, on va dire, que... Et moi, c'est justement ça me laisse un terrain à explorer qui est pas, enfin voilà, c'est qui me laisse une liberté en fait. Mais j'ai l'impression, peut-être que je dis une bêtise, qu'ils veulent tous être dans l'industrie et faire du grand public, on va dire, voilà. Et que ce qui nous reste à nous, c'est de peut-être d'aller un peu plus dans le fond, du coup. Enfin, Marie, toi, quand t'as écrit la question, l'article. Non, mais c'est intéressant, c'est que quand t'as écrit l'article, est-ce que tu as vu, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même il n'y a pas tant de différence que ça, mais il y a peut-être une génération entre Sandrine et Chloé et Florentine. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération peut-être de femmes? C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes d'ailleurs réalisatrices. C'est que justement, elles prennent cette partie. On en a deux bons exemples là, finalement, de plus s'amuser avec le médium, et ce qui forcément aussi fait plaisir aux producteurs. Et au spectateur, il y a autre chose ? Tout à fait, c'était un peu le centre du texte que j'évoquais rapidement tout à l'heure de Me Hansen Love, qui dit justement « Mais moi, j'en ai rien à faire d'être une femme, c'est pas mon problème. Le seul moment où c'est un problème, c'est quand il faut que je gueule sur mes techniciens et qu'ils m'écoutent et qu'ils se disent pas « Mais qu'est-ce qu'elle me veut ?» Donc c'est amusant, parce qu'on se rend compte que... en plus, enfin, je sais pas si vous avez vu les films de Me Hansen Love, le père de mes enfants, ne serait-ce que par le titre, renvoie un point de vue qui est quand même profondément féminin. Et c'est intéressant de se dire que quelqu'un qui semble développer un cinéma qui est entièrement tourné vers le corps de la femme, vers la sensibilité, etc., rejette absolument cette lecture et dit non, ça m'intéresse pas, je fais pas des films pour les femmes par les femmes, c'est pas du tout comme ça que je vois mon cinéma. Donc il y a sûrement un glissement qui est en train de se faire et qui nous met presque, enfin, en tout cas c'est un peu le sentiment que j'ai, dans une espèce de position de survivor, quoi, parce qu'il faut qu'on soit tout absolument, et bon, le moindre faux pas est absolument rédhibitoire. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de quelque chose d'assez difficile peut-être dans la reconfiguration actuelle qu'il va falloir qu'on pense peut-être un peu plus profondément, parce que sinon on va pas s'en sortir, mais qui est en lien avec la virilité, je pense aussi, enfin, c'est ce qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, qui est le fait que voilà, faut arriver à transformer ce questionnement en quelque chose de général avec les hommes sur la manière dont eux vivent leur virilité, et qu'ils soient pas tout le temps en opposition, parce que sinon ça marchera pas. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que au lieu d'avoir peur, ils devraient être contents. Enfin, le nombre de fois on entend les hommes qui disent oh, les femmes c'est compliqué. Enfin, et quand on essaye de leur donner nos codes, enfin, de dire bah voilà, ils ont peur, au lieu de s'y intéresser, on se dit ah, oh, bah tiens, un manuel, enfin, est-ce qu'on pourrait leur donner toutes les clés? Enfin, je sais pas comment exprimer, si on pouvait s'exprimer plus, et si on osait plus parler de soi, quoi. Sauf que pendant des années, on a dit à l'homme d'être finalement, et il a accepté d'être assez simple, et finalement d'être assez linéaire, et il fonce. Ouais. Et finalement, dès qu'il doit, je parle en général, évidemment, comme toujours, donc les gens qui peuvent se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a notre mode d'emploi, nous, en tant qu'hommes, et quelque part assez simple. Tu veux dire que la complexité est féminine? la réflexion et de la complexité, oui, mais dans, alors dans, mais dans le côté positif et négatif, oui, d'ailleurs, hein, dans les deux côtés, finalement. Comment on fait pour... quand on est justement, tu nous disais tout à l'heure, au cas du cinéma, non seulement s'imposer en tant que femme, jeune femme, et en plus imposer un cinéma qui a toujours eu, j'ai lu, mais assez mauvaise presse à l'intérieur des cas du cinéma, sauf un petit peu, bon, l'animation japonaise, mais... Ça a un peu changé, enfin, maintenant il s'y intéresse un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'était une commande ce texte, c'est pas moi qui l'ai proposé. J'avais parlé à Stéphane Delorme, qui est le rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, de l'impression que j'avais eue à Annecy, puisque j'avais écrit un petit compte-rendu, et donc j'avais raconté un peu tout ce qui s'était passé. Il m'avait dit, mais c'est intéressant, je lui avais raconté ces projections de films d'étudiantes, de la réception qu'elles avaient eue, et tout était parti en fait autour de The Dearest, un film coréen réalisé par deux femmes, qui était un film très dur, qui traitait vraiment de problématiques féminines, mais d'un sens vraiment autour du viol, c'était vraiment très, très compliqué, et la salle s'était vidée aux trois quarts. Donc j'avais dit c'est intéressant parce que c'est un film qui va pratiquement dans la provocation du point de vue féminin et qui pour le coup au niveau du public un film coréen et qui joue en plus juste pour par rapport au film qui joue aussi avec des codes coréens d'exagération totale, ce qui fait que les gens je pense qu'il y avait aussi la l'incompréhension par rapport à la femme, oui je pense qu'on pas joué pour le et l'incompréhension par rapport l'incompréhension par rapport même à la culture finalement coréenne et asiatique, enfin une tout culture à fait un peu différente, ouais. Donc du coup quand ils ont fait ce numéro, il m'a dit mais tiens, ça m'a rappelé ce qu'on avait dit, tu voudrais pas écrire là-dessus? Et c'est intéressant parce que du coup on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement c'est le fait que ce soit des femmes qui va justifier que ce cinéma un peu délaissé réapparaisse dans un organe de grande intellectualité, oui. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'on a envie de dire bon, vous allez chercher là où ça vous arrange et puis effectivement après quand je renvoie des propositions sur des films qui ont moins d'accroche de ce point de vue là ça marche pas parce que bon, là ça rentre dans ce qu'on veut bien attendre d'une femme. On veut bien attendre d'une femme qu'elle tripatouille des pots de peinture dans son coin, okay. Est-ce que ça veut dire que on va pas encore avoir de nouveaux articles sur l'animation ou en tout cas toujours très peu sur l'animation dans Drake et du cinéma, parce que il y en a vraiment, enfin je sais que moi, un ancien professeur à moi, Steven Sarrazin, je sais on a fait à un moment donné, mais bon il est là-bas, il est au Japon, il a fait des choses et bon, mais il y a encore souvent c'était pour l'internet des fois, enfin, Oui non c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Il y a Stéphane Delorme lui-même est très intéressé, c'est lui qui va je suppose faire les critiques des sorties des prochains films Ghibli dans les cahiers, mais c'est assez compliqué parce que finalement, enfin, quand j'ai fait la critique de Colorful, qui est un film que moi j'avais trouvé très très intéressant, j'ai proposé un article, j'avais fait une interview avec un autre journaliste des cahiers, et puis il était très content, et puis il a vu le film, il me dit non, en fait j'aime pas. Et du coup on se dit mais en fait c'est pas seulement que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est que c'est important d'en parler d'un point de vue vraiment autre que simplement fan, et je suis fan moi-même, donc c'est évidemment sortir un peu d'un rôle je pense que ça va rester encore très problématique, ouais, et assez longtemps. c'est un peu dommage, on en parlera surtout au japonais, on en parlait récemment justement avec Ilan ou d'autres, notamment les gens qui ont hurlé au génie pour aimer Yuki, et on est beaucoup à ne pas forcément adorer le film, loin de là. Alors, je pense que malheureusement, une des raisons pour lesquelles je ne vais plus beaucoup écrire dans les cahiers est que j'en avais fait une critique très négative. D'accord. Et que vu la manière absolument élogieuse dont le film a été reçu, je suis passée pour une hurluberlue. D'accord, non, personne n'a voilà. compris pourquoi j'ai détesté ce film, mais vraiment, oui, je oui. trouve qu'il a pour le coup une représentation plus, oui. de la femme, mais apocalyptique. Et j'étais désespérée parce que les gens qui étaient. J'étais à l'avant-première, je crois. Et donc, il y avait le public et il était là pour répondre aux questions. Et quand il y a des gens qui lui ont dit mais c'est formidable, quel film féministe, et il a eu le culot de répondre oui je me suis inspirée de ma mère qui s'est tellement occupée de nous quand on était petits qui nous faisait à manger. Ah, c'est terrible. Oui, le film pour ça est vraiment le choix à la fin en effet entre les deux personnages est terrible. Bon, on est quelques-uns à le penser, mais c'est vrai que pareil, ça c'est une des grandes questions. On pourrait faire un jour un tour de table par rapport aux critiques et ce serait avec plaisir. C'est bon, là il nous reste je te dis à Nicolas, puisque on mettra la 9e piste qui fait 42 secondes. Donc ça va, il nous reste encore une petite minute et demie pour laisser, je sais, le micro à l'émission impatiente après. Oui, ce serait bien de faire une critique, une table de un tour de table, parce qu'on parlait des fantomatiques au niveau des femmes, mais au niveau critique aussi, il y a quelque chose d'assez fantomatique. Et la plupart des critiques aujourd'hui, finalement, ne connaissent pas grand-chose à l'animation. Non, pas du tout. Et du coup, c'est intéressant parce que l'aspect technique leur échappe totalement. J'avais été désespérée de voir la critique du jour des Corneilles dans les cahiers du cinéma, qui avait quand même eu droit à un petit écriteau, donc c'était déjà pas mal. Mais où la personne disait, mais c'est très mal fait. Bon, et on a envie de dire, mais enfin. Je sais pas, mais c'est, alors c'est moi qui suis folle, mais je. C'est parce que l'inverse, c'est en fait. Un film de bonne qualité. Le film de bonne qualité, on peut se poser des questions sur le scénario, à la rigueur, en tout cas, certaines relations, voilà. Mais en tout cas, oui, au niveau visuel. C'était vraiment pas ça qui était à mettre en question dans le film. Enfin, en tout cas, pour un film français de ce budget, non. Donc, ils y connaissent rien, ça, c'est sûr. Donc, 42 secondes, on me regarde derrière d'un air énervé, mais je pense que 42 secondes, c'est bon, on va avoir le temps. Donc, on va finir comme ça. La tribunale Atina aura une minute de plus. Florentine, donc, merci beaucoup. Pour ces 2 ans et demi passés ensemble, je crois que c'est ça. Hein 3 ans, oui. 3 déjà, ans, hein, bonne continuation pour la suite. Et puis donc, on se retrouve. De toute façon, tu reviendras. Oui, je pour suivre tes réalisations. Ça, merci, et Rémi, peut-être, si on a le temps de trouver des invités, puisque maintenant, on n'a plus la personne qui s'occupe de ça. On verra bien. Merci à toutes les trois d'être venues. C'est évident qu'on n'a pas eu le temps du tout de faire le tour. Ça, mais bon, j'espère qu'on aura une autre émission pour en parler. Et puis vous viendrez pour parler aussi de vos actualités. Nicolas, donc on peut finir avec le générique et on à laisse bientôt, la place. À bientôt, à plus tard. Merci beaucoup, à bientôt.